Cher public, je tiens par avance à me dissocier de tous les propos qui seront tenus ce soir, y compris les miens. La dernière fois qu'il est passé dans cette émission, je n'ai plus d'amis blancs gauchistes, j'ai perdu tous mes amis arabes et mes amis noirs me soupçonnent de travailler pour le Ku Klux Klan. Les Français en ont marre des nations! Ainsi je venge le peuple urbain que tu as souillé de tes paroles infâmes. Pour la réconciliation nationale et la paix des peuples, on m'a suggéré de t'épouser et d'adopter deux enfants. Un acheté au Cambodge et un autre par GPA porté par une Nigériane. Un garçon transgenre et une petite fille que l'on appellerait Jeanne et Marianne pour que la France soit apaisée. Tout un programme, c'est Daniel Conversano dans Libéré sur Parole. Bonsoir, bienvenue sur Libéré sur Parole. Vous êtes bien sur patriote.info et ce soir, on est avec Daniel Conversano. Bonsoir Daniel. Bonsoir Tepa. Alors, là, c'est retour sur les lieux du crime, puisque ça fait quand même 4 ans que tu étais venu la dernière fois ici. C'est vrai quoi, le temps passe vite malgré tout. Le temps passe vite. Ouais. J'ai l'impression que c'était hier. Que de choses se sont passées, que d'eau a coulé sous les ponts depuis. C'est clair, ouais. C'est sûr, il s'est passé énormément de choses. Hein. Alors, passé pour toi, passé pour moi. Ouais. Alors, aujourd'hui, de toute façon, on est là pour toi surtout. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, puisque bon, beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui, on te présente, tu es un auteur d'ailleurs. On parlera de ton livre, parce que ça, c'est quand même une actualité. C'est un événement. Événementiel. Qui a fini par sortir. Qui a fini par sortir, ouais, parce qu'il y avait pas mal de gens qui disaient « Ah non, attends, Daniel, son livre et tout. » Il est arrivé. Il est arrivé. Voilà, c'est toujours les petits soucis, les petits aléas. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, en plus, moi, non seulement, en fait, j'ai écrit le livre, mais j'en suis le propre éditeur. Ah oui. Donc, j'ai appris le métier de l'édition sur le tas. Et c'est plus dur que ce qu'on croit quand même. Il y a pas mal de choses à faire. Et donc voilà, bon, mais pour les prochains, je pense que ça va aller tout seul. Bah écoute, ton livre, il est, je dois le dire, d'entrée, oui, sans lèche aucune, d'une très bonne qualité littéraire. D'accord. Tu as un style impressionnant pour un roman, ça va, c'est bien écrit. Bah écoute, merci. Ça, c'est pour la forme. Si l'émission s'arrêtait là. Voilà. Après, il y aura quand même des choses à dire. Sur le fond. Parce que, effectivement, voilà, je commence toujours, tu sais très bien, on commence toujours par un compliment. Et puis, bien sûr. Ouais. C'est la méthode Carnegie, je crois, ou Carnegie, je ne sais plus. C'est un Américain qui a eu cette méthode. C'est qu'en fait, quand tu veux annoncer quelque chose de terrible à quelqu'un, tu commences par lui dire le bon côté. Voilà. Ou tu as fait un travail très intéressant. Cependant. Tu vas dégager l'entreprise. Cependant, ouais. Moi je dirais plutôt, c'est quoi ? Il y a plutôt comme un, c'est quoi ? C'est un exutoire un peu quand même ? C'est que le personnage, il te ressemble un peu en fait finalement ou pas ? On peut dire cette chose-là. Exutoire est un mot intéressant. D'autres lecteurs ont dit catharsis. Mmh. Il y a ce sentiment-là. En fait, avec ce livre, j'ai voulu donner une existence littéraire au désespoir des nationalistes. C'est-à-dire que dans le milieu dissident, il y a eu de bons essais qui ont été produits. De bons romans, on peut citer Oberton, vous en avez parlé la semaine dernière, mais on va dire, c'était des choses factuelles, ça avait trait en fait presque à de l'information. Alors que moi, j'ai vraiment voulu montrer ce qui pouvait se passer dans la tête d'un nationaliste français qui se sent impuissant face à une réalité cauchemardesque. Donc, c'est un livre qui, par-delà le côté raciste, etc., c'est un livre qui n'est pas agréable au sens... de l'atmosphère. J'ai voulu créer le malaise. Mm-hmm. Parce que, en réalité, c'est vrai que mon personnage sur Internet, mm-hmm, je suis plutôt quelqu'un de joyeux. Mm-hmm. Et donc, je montre une face de moi que les gens ne connaissent pas trop, c'est-à-dire un peu torturée. Parce que je crois que toutes les personnes qui aiment la France, et en particulier les nationalistes blancs, sont dans une souffrance difficilement concevable et qui, pour moi, je ne l'avais pas lu sous forme fictive. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis tout le bien que tu penses de certaines communautés. Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas de problème. On a bien compris tout l'amour que tu as pour le noir et arabe de France. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu critiques les blancs. Enfin, je ne sais pas si c'est une critique. Mais tu reviens beaucoup sur l'individualisme des Blancs, le fait qu'ils sont très, finalement, un peu chacun de leur côté, sans pouvoir... justement, tu parlais de cette impuissance, mais que cette impuissance, elle serait aussi du fait que chacun pense qu'à sa pomme, quoi. En gros, chacun est dans son petit monde et il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de conscience collective. Il y a une évidence, c'est qu'en France... Oula. C'est technique. Je peux m'adapter après. Je peux parler en dansant, c'est du troll en direct. On cherche à me nuire. Pas assez fort. Je parle pas assez fort. Le micro n'est pas assez fort. Il faut monter les micros. Certainement, on nous le dit. Voilà. C'est bon là. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, ça va aller mieux. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, donc déjà, évidemment, ce livre est raconté à la première personne. Le personnage que je mets en scène a des côtés qui me ressemblent, mais c'est, comment dirais-je, c'est une version exagérée de moi-même. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas une coïncidence parfaite entre ce personnage quand même et moi. Ça, je voulais quand même le préciser. Après, par rapport à ce que tu me disais, je ne sais plus ta question. En fait. C'est sur les blancs que tu fustiges beaucoup. Rien sur leur individualisme. Oui. Alors, en fait, c'est très simple, justement. C'est, les Maghrébins forment une communauté. Les Noirs commencent à former une communauté en France. Les Juifs, je crois que ce n'est même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire que le côté communautariste, ils comprennent. Mais en fait, les Blancs n'ont pas ce réflexe-là. Mais comment dirais-je, je ne les accable pas, en fait. Je ne dis pas « vous êtes nuls, vous n'y arrivez pas », etc. Je le constate. Il faut voir aussi que c'est un effet de la modernité. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a de confort, moins on a besoin des autres. Et en fait, dans un contexte où il n'y aurait pas d'immigration, cette individualité ne serait pas un problème en réalité. Surtout que les Blancs, notamment les Blancs du Nord, ont un besoin d'espace, ils ont un besoin de silence, ils ont un besoin de solitude. Et toutes ces, en réalité, tous ces traits de caractère ne sont pas problématiques lorsqu'il n'y a pas une confrontation avec une immigration agressive, avec des gens qui, eux, sont communautaires et qui ont un projet hostile. Donc voilà, mais effectivement, dans le cadre d'une France où il y a beaucoup d'immigration, se comporter de cette manière... c'est un problème, effectivement. Il y a un danger. Il y a un danger parce que moi c'est ce que j'ai remarqué tout au long du livre, que tu fustiges les communautés, mais que tu mets en exergue ce côté de blanc un peu perdu quelque part, parce que tu voudrais presque les inviter à se réveiller, c'est ça Oui, bien sûr. Là, sans spoiler l'histoire, parce que c'est un roman, donc... On ne dit rien. Mais le fond, de toute façon, les gens s'attendent à ce que tu évoques ces thématiques-là. Et moi, j'ai senti, donc, en tout cas, que tu leur disais aux Blancs, vous allez, si vous ne communautarisez pas, vous êtes perdus. C'est l'horizon, c'est le but premier de mon bouquin. Sans forcément révéler l'histoire, parce que c'est vrai que les gens se disent, mais finalement, de quoi parle le bouquin? Et il est très difficile d'en parler, parce que dire deux mots de l'intrigue, c'est pratiquement tout. Voilà quoi. C'est-à-dire, c'est un livre concept qui est basé sur un concept assez original. Donc, mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est un nationaliste esselé qui imagine un plan machiavélique pour réveiller les consciences des Français. Donc, ça, c'est le principe du livre. Après, toute la question, c'est un livre qui se passe, on va dire, dans la tête de cette personne, c'est va-t-il passer à l'action ? Lui-même se pose la question, est-ce que ça a un sens de faire ce que je veux faire? Est-ce que ça va vraiment sauver la France? Est-ce que je me pose ces questions parce que je suis trop lâche? C'est-à-dire que je sais que ça va marcher, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur de mourir, j'ai peur d'aller en prison, etc. Donc, je te dis, c'est vraiment c'est un livre taillé pour les nationalistes. Je l'ai pensé comme tel. Tous mes livres ne seront pas comme ça, mais c'est le cas de celui-là. C'est-à-dire vraiment toute la gamme d'émotions par lesquelles passe un nationaliste face à ce qui se passe aujourd'hui en France. Oui, parce que tu décris, alors il y a des personnes, c'est un peu presque, des fois, c'est presque... Ah, je vais te faire un compliment, allez. Je t'en prie, allez. C'est un peu, des fois, à la Zola. À la Zola, c'est gentil. T'as vu, c'est-à-dire, c'est très descriptif. Ouais, voilà, il y a un côté très descriptif où tu veux nous faire ressentir en fait vraiment ce que sent le personnage, bien sûr, ouais. L'état d'esprit dans lequel il est. Excuse-moi, j'ai... Ouais, et en fait, bon, bah, il y a des scènes, bon, absolument fantastiques, bon, pas spoiler, mais elles sont drôles. Si tu veux en spoiler quelques-unes, il n'y a pas de souci, hein, mais... Oh, bah, il y a une scène, j'ai envie de spoiler, c'est la scène du chien. Avec... La scène du chien. Tout à fait, oui, tout à fait. Puisque je la trouve énorme sur le principe de base où le personnage se dit, bah, est-ce que je vais pouvoir tuer un chien? Ouais, mais ça, on peut le dire. Parce que, sans forcément dire comment ça se termine, il y a un moment où le personnage se dit, pour arriver à commettre un acte atroce, il faut que je commence... par une petite ambition. Voilà. Et la petite ambition, ça pourrait être de tuer un chien. Parce qu'il adore les chiens. Il se dit, mais si j'arrive à tuer l'humanité en moi, pour tuer, en arrivant à tuer un chien, en assassinant un chien qui ne m'a rien fait, eh bien, je serai capable de tout. Et en fait, on voit qu'il a beaucoup de difficultés à réaliser cet acte. Donc, il y a un côté un peu tragicomique qui était voulu. Ce que je voulais te dire, c'est que énormément de gens qui vont lire le livre et qui n'ont. Parce qu'énormément de gens vont lire le livre et l'acheter, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne sont pas nationalistes et qui vont tomber sur le livre par hasard peuvent être choqués par le contenu. Ils peuvent être choqués par les mots, ils peuvent être choqués par la haine que le personnage ressent, un peu contre. Voilà. Mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est quand je t'ai décrit le livre que je t'ai dit que je voulais donner une existence à une, fictive à une réalité qui est celle de la colère des nationalistes. Franchement, je n'exagère rien dans ce livre. C'est-à-dire que les personnes qui pensent comme moi pensent exactement, passent par les mêmes troubles que ce personnage. C'est-à-dire que quand tu es un blanc, par exemple, de province qui n'a jamais connu Paris, la première fois que tu prends les transports en commun, c'est une expérience cauchemardesque, de part. C'est la violence de ce que tu ressens est quasiment indescriptible par des mots. Et en fait, c'est un sentiment qui est sans cesse renouvelé quand tu vis dans des grandes villes comme Lyon ou Paris. Et donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que plutôt que de se renfrogner en disant « Ouh là là, il y a de la haine, il y a de la violence, ouh là, ça, c'est rugueux, quoi, ça fait mal, c'est comme du crépi au mur, ça, aïe, aïe, aïe. » Je dis « Oui, mais cette réalité existe. Cette sensation, nous l'avons au fond de notre cœur et dans notre tête. Donc, il y a différents moyens de s'en sortir. Certains pourraient dire la violence. Moi, je pense que le communautarisme est une des réponses possibles, probablement la seule. Fonder une famille, etc. Mais en tout cas, j'ai essayé de coller au plus près de la réalité psychologique des nationalistes blancs. Parce que justement, les nationalistes que tu invites à se communautariser, alors y a un fond d'histoire d'amour aussi, c'est marrant. Oui. Et juste, est-ce que il y a une. Moi, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que tu penses que ton projet, politiquement, il peut avoir. Vraiment, véritablement, on va dire un écho, ou en tout cas une représentation, dans la mesure où tu sais très bien que le racialisme est la pire des choses, exactement, oui, tout à fait. Et le crime de lumière absolue pour toute la... Je veux dire, en Europe, partout, quoi. Il n'y a pas un pays où le racialisme n'est pas vu comme... Enfin, peut-être à l'Est, je connais un peu moins, mais en tout cas, en Europe de l'Ouest, c'est mort. C'est quelque chose... même à une échelle mondiale, tu as raison, il n'y a aucun pays... Où des blancs peuvent dire, en fait, peuvent tenir des propos extrêmement racistes et fermer totalement leurs frontières. C'est toujours une lutte, même dans des pays identitaires comme la Hongrie, il y a toujours une lutte énorme et ces pays sont vus comme des pays fascistes. Donc c'est très difficile. Je comprends tout à fait la question. En fait, ta question, c'est est-ce qu'il y a un avenir politique pour le racialisme ? Mais en fait, au risque de te surprendre, je vais te dire non. Mais en fait, il n'y a pas d'avenir politique pour le racialisme. Mais en fait, la démarche du commentariste n'est pas, en première intention, n'est pas une démarche politique. L'idée, c'est de sauver sa peau. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un coup d'avance et de dire, moi, je suis persuadé que le multiculturalisme, déjà, ne marche pas. C'est une évidence pour moi. Et que dans quelques années, quand les Blancs seront en minorité, ce qui est, maintenant que le Front National a perdu, probablement pour l'éternité, en fait, c'est une évidence. Donc, on ne pourra pas échapper au fait d'être en minorité. Et le communautarisme est une préparation à ces situations catastrophiques. En réalité, le communautarisme est un choix de survie. Ce n'est pas un choix politique. Moi, quelque part, je ne me sens quasiment plus concerné par la politique en France. Mathématiquement, il sera très compliqué de gagner une élection présidentielle. Ça ne se joue pas à ce niveau-là. C'est pour ça que les gens me disent « Mais oui, mais vous n'allez pas gagner. » Mais à ce que je sache, Slavelo, ce n'est pas un parti politique. Non, non, pas du tout. C'est un mouvement d'esprit de réveil des Blancs sur une base de communautarisme racial. Ça Mais ce dire... communautarisme, c'est quoi ? C'est de l'entraide, la solidarité ? C'est quoi l'objet ? Parce que tu sais très bien que, franchement, les Blancs, et surtout en France, ne sont pas sur un logiciel justement communautaristes. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont sur un logiciel, d'ailleurs que tu décris même dans ton livre, justement d'une individualisation des personnes. Donc, quelque part, comme ils n'essentialisent pas les races, tu vois, de cette façon-là, quand ils ont du mal, en fait, au fond d'eux, à dire « je vais détester cette personne parce qu'elle est de tel groupe ethnique », ça ne suffit pas, c'est pas... Enfin, moi, je le sens pas que les Blancs soient comme ça, surtout en France. Alors, surtout en France. Je dirais quand même que c'est générationnel. C'est-à-dire que dans la tranche des jeunes Blancs, on va dire les 15-30 ans, il y a beaucoup plus on va dire, d'identitaires qu'il n'y en a chez les 40-50 ans. C'est vrai. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la situation que nous vivons est exceptionnelle par sa gravité. La raison pour laquelle... Et finalement, si on regarde sur un niveau historique, on se plonge 2000 ans en arrière, on se dit, on regarde l'histoire, on se dit, mais finalement, les Français ne sont pas racistes. Voilà, ils font des alliances étranges, parfois même dans l'histoire ils s'allient avec les Ottomans. L'histoire de la colonisation, finalement il y a presque une amitié qui finit par se créer avec certains pays, on comprend rien. C'est pas du tout le même logiciel que les Allemands. Cependant, je veux dire, il faut adapter ces propos politiques à la réalité d'une époque. Et en fait, aujourd'hui, l'immigration extra-européenne que nous vivons est inédite. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ça, quoi. Ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans, nous ne l'avons jamais vécu. C'est normal que nous n'ayons pas de précédent historique. Donc, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Et moi, je te dis que quand on parle de communautarisme blanc, en fait, on reprend les choses à zéro. Voilà, nous, à ce vélos, nous reprenons les choses à zéro. C'est-à-dire, on est en l'an zéro du communautarisme racial, on tente quelque chose. Et moi, je pense que cela va fonctionner pour la simple raison que je ne vois pas comment les Blancs peuvent survivre d'une autre manière dans un pays à 20, 25, bientôt 30 millions de non-Blancs. Je ne vois pas, il n'y a pas d'autre manière en fait, on ne peut pas survivre individuellement. Complètement. Donc toi, ce communautarisme, tu voudrais qu'il prenne quelle forme? C'est-à-dire aussi bien quoi, du côté professionnel, tous les aspects de la vie sociale en fait, c'est ça? Mais tout simplement, mais c'est exactement ce que font les musulmans, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire préférer en toute chose une personne de sa communauté à une personne d'une autre communauté. Mais c'est ce qu'on appelle finalement la discrimination. Oui, mais clairement, regarde, alors, pour parler simplement, dis-moi. Les Arabes, ils ont un logiciel très fort qui s'appelle l'islam, ce qui est un ciment, on va dire, une espèce de truc très costaud pour l'unité. En tout cas, ça va bien souder le groupe, former le groupe, et ils vont se communautariser sur cette base. Les Noirs se communautarisent justement sur la base raciale de leur appartenance à la, ce qu'ils ont défini comme la race noire et dérivée même. Et voilà, donc hop, ils se définissent, ce qui est relativement simple parce qu'on reconnaît très facilement un Noir. Les Blancs, eux, ça va être quoi? Sur pareil, le même comme les Noirs, sur une couleur de peau, sur une apparence, mais déjà c'est un peu plus trouble parce que... Pourquoi? C'est pas trouble du tout. Bah je sais pas, les Arabes sont déjà des Blancs aussi un peu, non? N'importe quoi. Ah bah attends. Ah bah, je sais pas, moi, je te montre des Algériens, ah ouais, je suis sûr que c'est le prénom qui va déterminer l'origine. Non, non. Si je te les montre leur tête, je te dis, ça s'appelle Jean-Pierre. J'arrive pas à le croire que depuis 4 ans, on en soit revenu au même point. Arrête. C'est pas possible, tu vas, mais non, premièrement, le phénotype ne fait pas tout. C'est-à-dire que, effectivement, tu peux aller dans le sud de l'Italie, voir quelqu'un qui ressemble, t'es pas sûr que c'est un Tunisien ou un Italien. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a le comportement, il y a l'intellect, il y a tout un tas de choses. Les Blancs se reconnaissent entre eux. Enfin, écoute, il faut arrêter avec cette histoire. Dans la vraie vie, sortie du game dissident, on m'a jamais pris pour un maghrébin en France. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie entière. Je crois que la seule fois que ça m'est arrivé, c'était en Europe du Nord. Ouais. Où en fait, dès qu'ils voient un mec brun, ils estiment que c'est un non-blanc. Attends, on m'a dit que quand t'allais à Budapest, on te disait que ça là-bas les coups. Non, c'était à Moscou. Non, c'était à Moscou. Oh merde. Non, à Moscou, c'est différent. Mais parce qu'à Moscou, les jeunes blancs russes ne portent pas la barbe. Et tu sais que en Russie, il y a énormément de musulmans qui ne sont pas des Arabes, c'est des Tchétchènes, des Uzbeks, etc. Le sud de la Russie, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Mais en France, ça n'arrive jamais. C'est le fameux test, mais justement, c'est le fameux test du salam alaikum. Si vous voulez voir si vous avez une tête d'arabe ou pas, vous allez dans un kebab. Si on vous dit salam alaikum, c'est que vous avez une tête d'arabe, sinon c'est que vous n'avez pas une tête d'arabe. Jamais de ma vie, en entrant dans un kebab, on m'a dit salam alaikum. Mais enfin bon, là on dérive, mais crois-moi que les blancs se reconnaissent entre eux. Il y a cette idée selon laquelle c'est ridicule. Alors quand on voit un blanc à la télé, on se dit cet homme est blanc. Tu sais, la dernière fois, sur ce même plateau, tu me parlais de Zidane. Ouais. Zidane, effectivement, il est blanc, il est presque blanc comme ça de peau, mais il a une tête de maghrébin. Quand on voit Zidane, on voit très bien que c'est un maghrébin. Enfin, je veux dire, il faut faire un peu confiance à son instinct racial. Oui, mais parce qu'il s'appelle Zidane. Il s'appellerait Jean-Pierre déjà. Franchement, c'est du déni. Bon, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, en tout cas, pour répondre à ta question. On va te mettre à l'aise, tiens. Ah, comme dans Vive l'Afrique. Oh, bah, écoute, Écoute, non, je si tu me. Je te prends si par les sentiments, si tu vois. Je te fais de la corruption, bah, comme le. Tu vois, Pierre Mobutu, allez. Tu me sous-joues avec du saucisson. Et un peu de pinard, dans ton sens. Non, mais à situation inédite, réponse inédite. Encore une fois, je le répète, les Blancs n'avaient pas besoin d'être sur un logiciel racial lorsqu'on était au 19e siècle. Au contraire, les Blancs étaient dans une logique concurrentielle entre eux. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est souvent un contre-argument qu'on donne au racialisme. On dit, mais attendez, vous êtes fous. Les Européens ont passé leur vie à se faire la guerre. Mais il faut même comprendre quelque chose, c'est que le monde, en fait, au 18e siècle, c'est l'Europe. Le reste n'existe pas. En Afrique, il y a un nombre d'habitants qui est ridicule. Dans toute l'Afrique, le territoire est immense et il y a un nombre d'Africains extrêmement réduit. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le principe de la guerre entre frères. Tu sais, quand t'es chez toi, mettons, t'as des frères, et tu vois, jusqu'à 18 ans, tu vas prendre le mec avec tes frangins. Tu peux même les détester, que ce soit même tes frangins ou ta sœur. Parce que, en fait, tu n'as que ça. C'est ton monde, c'est ton cosmos, tu vois. Et donc, tu te confrontes à eux parce que la vie, c'est ça, c'est la confrontation. Et donc, en fait, l'Europe a été dans sa jeunesse historique, on va dire, tu n'as que ton voisin avec qui te battre, tu vois. Et là, on est dans une autre dimension, si tu veux, quoi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je suis de droite. Et être de droite, c'est comprendre qu'il y a toujours une guerre. On est toujours en guerre avec quelqu'un. On est toujours en guerre avec quelque chose. C'est illusoire de croire la paix universelle, je n'y crois pas, si tu veux, quoi. Et que les gens, j'allais dire, se rassurent, c'est pas le cas, mais que les gens comprennent bien que je ne dis pas que s'il y avait un monde entièrement blanc, les gens ne se battraient pas entre eux. Si les gens pensent ça, c'est qu'ils n'ont rien compris à ce que je dis. Et c'est dans la nature humaine que de se confronter à l'autre. L'homme est un loup pour l'homme. Attention. Mais là, c'est un contexte très particulier où on a des gens qui sont extrêmement différents de nous et qui menacent l'existence même de notre civilisation. Et donc, en fait, je crois qu'il faut apporter une réponse collective. En fait, si tu veux, je suis plutôt sur la ligne de Renaud Camus. Pour moi, Renaud Camus, c'est l'intellectuel contemporain le plus intéressant. En fait, qui dit, par exemple, en général, les nations veulent sortir de l'Union européenne. Et lui, il dit non. Il dit, il ne faut pas sortir de l'Union européenne, il faut s'en emparer. C'est-à-dire, il faut que tous les pays d'Europe se mettent d'accord pour avoir des politiques migratoires qui soient semblables. Par exemple, qui soient alignées sur celles du Visegrad, les pays d'Europe centrale, qui en fait veulent protéger leur identité. Donc voilà au quoi on est confronté aujourd'hui. Dans l'histoire, l'histoire évolue sans cesse. Peut-être que dans 500 ans, l'Europe sera redevenue blanche et on va commencer à se refriter avec les Allemands. Mais je veux dire, c'est chaque chose en son temps, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent « Daniel Conversano, il appelle à la guerre civile. » Oh là là, alors là, très intéressant. Alors ça, j'aimerais que tu leur répondes parce que c'est quelque chose, tu sais, c'est quand même quelque chose qu'on m'a souvent répété, où on me dit que... C'est un mantra. Oui, c'est un mantra, tout à fait. Mmh. Et qu'on cesse, en plus, si tu veux, qu'on dit « Oui, mais avec sa communautarisation, il en appelle en gros... » insidieusement à dire aux gens allez vous friter avec les autres. Incroyable. Alors tous les peuples, j'arrive pas à enlever la peau. Tu peux la manger en plus, je crois, celle-là, elle est bonne. Délicat, je bouffe la bouffe. Bon. Déjà, c'est incroyablement malhonnête de la part de ces gens-là parce que, en fait, on dit aux Blancs, les gens se préparent, les gens s'organisent, les musulmans s'organisent, tout le monde s'organise, les Noirs maintenant trouvent une fierté raciale, tu sais que le film, là, le Wakanda. Il sort, moi, folie. Mais les Blancs, vous devez surtout pas bouger, en fait. Parce que si vous bougez, ça sera de votre faute s'il y a la guerre civile. C'est incroyablement malhonnête. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, cette histoire de guerre civile. J'ai regardé l'émission que tu as faite avec Papacito la semaine dernière. Oui. Alors, ben moi, je vais te dire un scoop. J'ai décrypté l'émission. Et en fait, il y a un moment donné où il dit une anecdote. Il dit comment il réagirait si sa copine se fait violer. Mmh. Ben moi, je vais te dire en quoi c'est aussi un appel à la guerre civile. Parce qu'on appelle tous à la guerre civile, finalement. Je vais te dire pourquoi. Il dit, Papacito, si ma copine se fait violer, je ne vais pas passer par la justice, je vais agir, je vais monter une équipe et je vais me venger. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la guerre civile? C'est la prolongation, l'extension à une échelle collective de vengeances individuelles. C'est-à-dire que si à la place de cette anecdote, tu mets un mec dont la fille ou le père ou la mère est morte au Bataclan, et se venge, ça donne la guerre civile. En réalité, ce n'est pas que je suis pour ou contre la guerre civile, c'est que je sens qu'elle va arriver, qu'il y aura une guerre, qui d'ailleurs, pour moi, n'a rien de civil, entre nous soit dit. Il y aura une guerre ethnique, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Tu ne peux pas, sur un même territoire, avoir 20 millions de personnes d'une communauté et d'un autre côté, 30 ou 40 millions. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, surtout avec un peuple aussi hostile que le peuple afro-musulman. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est ridicule cette histoire d'appeler à la guerre civile. Est-ce que tu es convaincu par cet argument que je viens de donner? C'est-à-dire que quand Papacito dit ça, moi j'ai envie de lui répondre, mais alors que ferais-tu si un de tes proches se fait tuer par un maghrébin dans un acte terroriste? Tu vas vouloir te venger, c'est la même chose. Mmh. Écoute, si tu agis comme ça quand ta femme se fait violer, qu'est-ce que c'est quand quelqu'un se fait tuer? Mais la guerre civile, ce n'est rien d'autre que ça. C'est qu'au bout du 5e, 10e, 15e, 20e, 30e attentat, il y a un blanc qui va dire j'ai perdu toute ma famille là. Donc en fait, vous allez crever. Parce que ma vie est finie, quoi. Et ça va se passer comme ça. Je ne le désire pas. Mais voilà la réalité que nous ont concocté les politiques depuis tant d'années, en fait, en cautionnant cette immigration. Et les gens, malheureusement, en votant comme des idiots, en ne comprenant pas l'urgence de l'arrêt de l'immigration. Oui, toi, tu aurais souhaité qu'ils votent un peu plus Marine Le Pen. Mais évidemment, c'est pour ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, les gens qui disent que j'encourage, que j'invite à la guerre civile, ce qui est particulièrement malhonnête, c'est que je suis un des seuls à avoir pris fait et cause pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle. Mm-hmm. Je l'ai fait dans une logique de parti. C'est-à-dire que pour moi, le Front National, en dépit de tous ses défauts, c'était le parti qui portait l'étendard du non à l'immigration. Mm-hmm. Et donc, en fait, si j'avais une démarche qui était, je dirais, agressive et dans la violence physique, j'aurais dit aux gens, on s'en fiche, on n'essaye pas de passer politiquement, on détruit tout, etc. Mm-hmm. Non, bien sûr que non, je préférais que ça se passe, on va dire, un peu comme Laurent Ozon l'imaginait quand il parlait de remigration, c'est-à-dire en fait avec un dialogue bilatéral avec les pays dont on parle, les pays d'Afrique, les pays du Maghreb, pour que ces gens rentrent chez eux. Mais ce n'est pas la direction que ça prend, je n'y peux rien. Un divorce à l'amiable, comment dire. Un divorce à l'amiable, bien plutôt sûr. Plutôt qu'on va dire, bien une sûr. Espèce de fatwa. Et le problème, c'est qu'on dirait que les gens n'ont pas envie de partir d'Occident. Ma foi, on y est bien en Occident, on n'a pas envie de partir une fois qu'on y est. Tu sais, oui, ça aussi. Renaud Camus souligne une contradiction. C'est étonnant, c'est la première personne que j'ai vu dire ça. Mmh. Il dit, à propos par exemple du génocide qu'on aurait fait en guerre d'Algérie, parce que non seulement on a colonisé l'Algérie, mais ce serait un génocide. Il faudrait admettre que c'est un génocide. Oui, donc déjà, je tiens à rappeler qu'un génocide, c'est disparition d'un peuple. Hein, il y a je ne sais pas combien de fois de plus d'Algériens aujourd'hui qu'à l'époque. Il n'y a pas une disparition du peuple algérien. De toute façon, en tout état de cause, je crois qu'il y avait 5 millions d'habitants, je crois, en 1830, et il y en avait 10 millions en 1962. Bon, voilà, bon, enfin, donc déjà, c'est absurde. Mais surtout, Renaud Camus dit, attendez, mais s'il y avait eu un génocide, est-ce que le premier réflexe des génocidés serait, une fois l'indépendance acquise, de retourner dans le pays des agresseurs? Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu imagines tous les juifs d'Europe se précipiter vers l'Allemagne juste après la guerre de 1945? Donc, si tu veux, la réalité parle d'elle-même. Le fait que les Algériens et les Maghrébins viennent en France et continuent de venir en France et s'y sentent bien, c'est bien qu'en fait, nous n'étions pas des tortionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça est une farce, en réalité. Les immigrés africains et orientaux viennent en Europe parce qu'on y est mieux, on y vit mieux. Et ils utilisent notre ethno-masochisme et notre bêtise, hein, en termes d'immigration, pour s'installer. Nos lois aussi, on a des lois très, très ouvertes, notamment les musulmans. Les musulmans utilisent la démocratie. Ils disent, mais ils arrivent dans un pays, c'est quand même incroyable. Moi, je dis aux gens, mais regardez l'exemple du Canada. Bon, l'immigration musulmane en France, elle date d'il y a longtemps. Oui. Mais là, on est en train de voir un phénomène au Québec, c'est du temps réel, tu vois. Les musulmans sont en train de faire exactement la même chose au Québec de ce qu'ils ont fait en France, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, ils grappillent. Ils grappillent, en fait, des droits. Et tout ça en se basant sur la constitution canadienne. Oui, mais on a le droit à la liberté de culte. Ah oui, mais j'ai vu, là, on a le droit au voile, tu vois. Et après, par la quantité, si tu veux, quoi, ils arrivent à se créer des secteurs où ils vivent exactement selon leurs mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils vont à un autre endroit et ils reproduisent, en fait, ce qu'ils ont vécu chez eux. Donc, je te dis, les immigrés, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on dit souvent que j'ai du mépris intellectuel pour les immigrés, mais je ne le méprise pas autant qu'un certain nombre de dissidents. C'est-à-dire que je pense que les peuples ont une volonté propre, les musulmans ont une volonté propre, les Africains ont aussi une volonté propre, et lorsqu'ils s'installent en Europe, ils le font volontairement. C'est quoi encore cette idée? C'est pour ça qu'en fait, je me suis inscrit contre tout un pan la dissidence qui parlait toujours de sionisme. Parce que ce que j'aime pas avec l'idée du sionisme, c'est l'idée que finalement, les Maghrébins, les Arabes et les Noirs seraient des espèces de marionnettes. Et par mind control, les Juifs arrivent à leur dire « Allez, allez-y, allez en France, allez !» Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, enfin. C'est-à-dire qu'en fait, le projet de conquête des musulmans, il est eschatologique, c'est dans leur eschatologie. C'est ainsi qu'il fonctionne, depuis toujours d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a un projet de conquête musulmane, ça c'est souvent. Bien sûr. D'ailleurs, tiens, pour revenir sur le sionisme, oui. Toi, tu t'es frité là-dessus beaucoup, parce qu'on disait « Mais Daniel, il est sioniste ». Et on m'a même dit, soit vélo, c'est sioniste. Est-ce que Alors, voilà. Et dis-nous une bonne fois pour toutes. Parce que moi, je ne connais pas tous les gens de soit vélo. Je préfère le dire, parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, mais te pas, méfie-toi, c'est des sionistes et tout. Mais qu'est-ce que... Moi, j'aimerais avoir un mec qui dit ça ici, et je le torturerais pour connaître sa définition du sionisme. Le sionisme est la volonté historique du peuple juif, à un moment donné, de vivre dans un pays et de l'avoir rien qu'à eux, un ethno-État. Le projet sioniste a abouti, c'est Israël, d'accord ? Je veux dire, Israël ne nous concerne pas. La Palestine et Israël ne nous concernent pas. En fait, l'accusation de sionisme, elle vient de qui ? Elle vient de Soral, c'est tout. En fait, Soral accuse toutes les personnes qui lui font de l'ombre d'être sionistes. C'est tout, ça vient de là. Avant de ça, on ne me traitait jamais de sioniste. Tous les gens qui me suivent depuis maintenant de nombreuses années savent très bien que je ne suis pas un philosémite. C'est ridicule. Je suis attaqué par la LICRA. J'ai un procès le 23 mai par la LICRA. Vous croyez que je ne suis pas conscient de la question juive ? Je ne suis quand même pas un imbécile. Mais en fait, Soral, si tu veux, il disqualifie un peu comme les communistes traités de fascistes, tous leurs opposants. Mais en fait, Soral, ou Rissen, c'est la même chose, en fait, utilise le mot juif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec, ils vont dire, mais il est juif, lui. Il est sioniste. Et le temps que tu te justifies, de dire, mais attendez, non, je ne suis pas... Ben, voilà, ils continuent de faire leur bricole, etc. Mais c'est absolument n'importe quoi. Les gens qui suivent Soavelo voient très bien qu'on n'est pas du tout sur... on est concerné par le destin de la France et de l'Europe. Le reste nous indiffère. Voilà, donc au moins tu mets les choses au clair. Surtout, oublie toutes ces histoires aussi de clash, tout ça. C'est fatigant, non, aussi, un peu. Oui, mais... Nécessaire, c'est quoi c'est, parce que est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui épuise un peu les gens, toujours ces espèces de shoot entre nations tout le temps. Finalement, on se demande, tu vois, c'est quoi la différence, quoi, au fond. Avec Soral, on a compris. J'ai pas fini de te parler de Soral. Ah bon. Que ça épuise les gens, c'est une chose. Mais en fait, il faut bien comprendre que la jeune génération, nous sommes attaqués par les vieux dissidents, les dissidents old school. Tu penses qu'à lui, il y a une fracture, toi, dans la dissidence. Il y a une fracture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui ont vu le débat que j'ai fait avec Soral, mais qui ne connaissaient pas mon œuvre préalable, ou qui ne connaissaient pas les échanges qu'on avait avec Soral, ils ne comprennent pas cette tension extrême qu'il y a entre nous. Et il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui montait, c'était la marmite bouillonnée depuis plusieurs mois. Parce qu'il y a une ligne de fracture, c'est que quand dans le milieu dissident, tu critiques l'islam, les professeurs cosinus de la dissidence, les Philippe Plancard-Assac, les Hervé Rissen, les Soral, les ceci, les cela, vont te dire que tu es un idiot qui ne voit pas les causes du problème. Tu vois ? Ils te traitent quelque part de faux subversifs. Eux seraient les vrais subversifs, les mecs les plus courageux de la planète. Et en fait, toi, tu serais un identitaire idiot qui voit juste le problème de l'islam. Comme si d'ailleurs le problème de l'islam était anecdotique. C'est pas grand-chose. Et donc... C'est eux qui jettent l'anathème sur nous. C'est eux qui disent « ces gens-là sont des faux dissidents ». Il faut bien comprendre que la bataille part de là. Il aurait été plus facile pour moi de grimper, on va dire, dans la dissidence en réputation, même tu vois, d'être récupéré par un autre mouvement plus connu que moi, etc. Je veux dire, je ne gagne rien à créer mon propre mouvement, moi. C'est plein de difficultés. Mais j'y ai été contraint. Parce que, en fait, il y a ces mecs-là te mettent face à un dilemme ridicule, qui est de dire en gros, soit tu parles des juifs, soit tu parles des musulmans. Et je veux dire, en fait, déjà d'une, je fais ce que je veux. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que tu focalises sur un problème que tu prétends que l'autre problème n'existe pas. Encore une fois. Je veux dire, je n'ai jamais dit en vidéo qu'il n'y avait aucune influence des lobbies juifs sur la politique française. Je ne l'ai absolument jamais dit. Tu comprends ? En revanche, si on regarde de l'autre côté, je te mets au défi de regarder toutes les vidéos de Soral. Tu ne trouveras jamais une vidéo où Soral... parle de la dangerosité de l'islam, absolument jamais. Et le plus gros mensonge, en fait, de cette dissidence, parce que moi j'appelle ça la dissidence judéo-maniaque ou judéo-centrée. En fait, je fais une différence, j'établis une différence conceptuelle entre l'antisémitisme et le judéo-centrisme, c'est-à-dire voir des juifs partout. Alors, ces mecs-là, ils mettent en avant une idée qui est insupportable, c'est celle selon laquelle il n'y a rien de plus subversif que de critiquer les juifs. Et bien moi, je dis que c'est faux. Dans la France 2018, si d'ailleurs, à la suite de ce que je viens de dire, là, on fait une émission d'une heure où on parle des juifs, on dit oui, alors ils ont fait ceci, ils ont fait cela, le sionisme c'est mal, pourquoi pas frotouiller un peu que le révisionnisme, attention. Qu'est-ce qu'on risque au maximum ? Au maximum, on risque un procès. Pour la prison ferme, je suis même pas sûr. Tu sais que Forisson n'a jamais fait de prison ferme. Tu vois. Non, Peignoir en a fait. Je suis bien passé pour le savoir, mais voilà, je te confirme. Voilà. Maintenant, faisons un jeu de l'esprit. Maintenant, je te dis, sur cette feuille, par exemple, je vais dessiner une caricature du prophète Mohammed. Qu'est-ce que tu me dis? Tu m'autorises à le faire ou pas? Bah, tu peux, mais comme j'ai dit au début d'émission, je me dédouane de tout ce qui sera... Tu vois, au moment où j'ai dit ça, il y a eu un peu une atmosphère un peu sur le plateau, une tension, tu vois quoi. Et cette tension-là, c'est de la peur. Bien sûr. Tu vois? Et moi, ce que je dis, parce que je voudrais vraiment aller au bout de mon idée, c'est important, je dis que ces vieux dissidents sont dans une subversion et une dissidence qui est confortable, qui est celle de la critique intellectuelle du judaïsme. Moi, je peux faire 10 pamphlets antisémites. Je vais jamais faire un séjour de prison. Ou au pire, je me casse dans un pays où il n'y a pas d'extradition et en fait, je suis peinard. Alors que si je critique l'islam, je serai en danger partout sur la planète. Tu comprends? Donc, ça suffit en fait avec cette relativisation du danger de l'islam. Et en fait, ce sont ces vieux cons de la dissidence, je le dis et je le pense et je l'affirme, qui balancent cette idée fausse en fait dans les tubes. Alors que eux ne critiquent jamais l'islam. Alors que franchement, il y a vraiment, pour moi, il y a eu un tournant en France et dans la dissidence, c'est l'épisode Charlie Hebdo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Charlie Hebdo? Des journalistes, des dessinateurs se sont fait flinguer pour une moquerie, pour des caricatures. Et là, j'ai vu vraiment une rupture dans le milieu dissident. J'ai vu des gens qui se sont réjouis, vraiment, hein, je te le dis, hein, de la mort de ces personnes, sous prétexte que c'était des gauchistes. C'est-à-dire, ils ont dit, finalement, les Arabes font ce qu'on n'a pas le courage de faire, ils tuent des gauchistes, tu comprends? Et là, je me suis dit, mais en fait, ce milieu est rempli de fous, en fait, rempli de malades mentaux. Parce que si nous sommes dissidents au départ, si moi je suis dissident, si toi tu l'es, si toi tu fais des émissions toutes les semaines depuis plusieurs années, c'est parce que nous sommes des amoureux de la liberté. En fait, mais vraiment, je le dis sans troller. En fait, les musulmans, et je dis les musulmans, je ne dis pas les islamistes, je dis les musulmans, attaquent l'essence même de notre civilisation, qui est la liberté d'expression. Parce que, et c'est fou d'ailleurs que les dissidents ne le comprennent pas, parce qu'au départ, pourquoi en fait il y a eu ER, pourquoi il y a eu la main d'or? Mais parce qu'on disait on ne peut rien dire sur le lobby juif, on ne peut rien dire, etc., sur ceci, sur cela. Donc il y a eu un souffle de liberté qui était réel au début. Mais ils ont buté sur la question de l'islam. Ils n'ont pas voulu franchir ce Rubicon, tu comprends? Parce que l'islam fait peur, parce que l'islam tue des gens. C'est pour ça que moi, quand on me dit « es-tu islamophobe ?», je ne rejette pas. Islamophobe, j'ai peur de l'islam. Comment ne pas avoir peur de l'islam? Et donc moi, je dis qu'en 2015, ce qui se passait en janvier 2015, et le milieu dissident ne l'a pas formulé ainsi, nous avons perdu une bataille très grave face à l'ennemi. Parce que depuis janvier 2015, plus personne ne fait des caricatures du prophète Mohammed. Je suis désolé, mais c'est une victoire pour eux. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'ils le ressentent. Et c'est pour ça qu'il y a un danger. Si tu veux, les gens qui me disent oh, « tu fais que de parler des Arabes, des musulmans », mais c'est ridicule. Je parle de la réalité contemporaine. Je ne vais pas vous parler des bouddhistes. Je ne vais pas vous parler de la menace des Allemands. Tu vois, c'est ridicule. Peut-être que j'aurais été comme ça à l'époque, mais là, on a cette menace-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, et je termine de répondre à la question, c'est que, parce que c'est vraiment un sujet essentiel, dans les mosquées, les imams, cette victoire-là, ils la répètent. Ils disent, genre, regardez, depuis qu'on a parlé depuis qu'on a fait Charlie Hebdo, il n'y a plus de caricature. Et ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Tu peux mettre des micros, ils n'iront pas plus loin que ça. Mais parce que qu'est-ce que ça veut dire? Même si un mec qui a 90 de QI, c'est pas dur à comprendre. Ça veut dire, en fait, en gros, quand t'as un mec qui critique l'islam, ben, quand tu le butes, les autres, ils arrêtent. Ils ne critiquent pas. Donc, alors, quel est l'avenir pour nous là-dedans? Si on ne met pas tout de suite le holà, mais c'est la mort. C'est la mort de l'Occident. C'est la mort de l'Occident démocrate. C'est la mort de la liberté d'expression. C'est la mort physique. Parce qu'en plus, quelle hypocrisie. La différence, par exemple, entre le combat face au judaïsme et le combat face à l'islam, c'est qu'il y a une dimension quantitative dans l'islam. Il y a énormément de musulmans. La plupart des immigrés qui viennent sont musulmans. Donc, en fait, si tu veux, la menace, elle vient de là. Être en minorité sur son territoire face à un peuple qui est très agressif. Je veux dire, c'est... En fait, faut être fou et aveugle pour pas avoir peur de cette montée de l'islam. Que d'ailleurs, je précise, parce que les gens... Tu me dis, les gens en ont marre des clash. Mais clash, je n'aime pas ce mot-là parce que ça donne l'impression qu'on critique quelqu'un pour faire du buzz. Alors, ça peut arriver parfois. Mais par exemple, avec Rissen, moi, je n'ai absolument pas critiqué Rissen pour buzzer. Rissen, j'ai fini par faire une vidéo contre lui parce que pendant des mois, il m'a diffamé en m'inventant des juifs imaginaires dans mon entourage. Si tu veux, ça a été une violence réactive, tu vois quoi, une violence verbale réactive. Et surtout, pour moi, Risten s'est déshonoré le jour où il a fait une vidéo contre Boris Le Lay et qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'islamisation de la France. Il l'a dit exactement comme ça. Il a dit à Boris Le Lay, oui, tu focalises sur l'islam, mais en fait, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, mais il n'y a pas d'islamisation prégnante, on ne la voit pas. Il n'y a pas d'islamisation qui tienne. Et là, je me suis dit, ouh, boum, menteur, menteur. Un seul chiffre suffit à réduire à néant ce qu'a dit Risten dans cette vidéo. Dans les années 70, il y avait 100 mosquées en France. Maintenant, il y en a plus de 2000. 2500. 2500. C'est une augmentation par 24. Si ce n'est pas une islamisation, ce n'est pas un coude, c'est un anus. Tu vois. Donc, désolé pour la vulgarité, mais c'est pour que les gens comprennent bien ce fait. C'est-à-dire qu'il est inacceptable que des dissidents qui sont respectés puissent sortir d'aussi grosses âneries. L'équivalent, ce serait que moi, je te dise, mais en fait, il n'y a pas du tout d'influence du lobby juif, quoi. Pas du tout, quoi. Mais pas, absolument pas. Mais tout va bien avec les juifs. On s'est toujours très bien entendu avec eux. 39-45, c'était un délire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais sinon, c'est l'entente cordiale. Et si je disais ça, je passerais pour un fou dans le milieu dissident. Donc, il y a une islamophilie latente, comme ça, dans le milieu dissident. Et toi, tu penses que c'est quoi? Par couardise plutôt que par... parce que... clairement, voilà, j'entends ce que tu dis. En gros, en critiquant les juifs, on finit au tribunal. En critiquant les musulmans, on finit à l'hôpital. Au mieux. T'es gentil, hein. Mais bon, je résume. Et donc, c'est bien l'optimisme. C'est bien. Bon, l'hôpital, c'est pas très génial. Il vaut mieux être au tribunal qu'à l'hôpital, là, souvent, je te le dis. Hein, physiquement. Mais est-ce que les gens n'osent pas cette critique par couardise ou par... Ou alors par calcul, parce que dans le cas, il y a une espèce de calcul de garder des gens avec toi, je sais pas, enfin, tu vois, je parle de ceux qui justement refusent effectivement de parler de l'islamisation. Pour eux, ça n'existe pas, ils considèrent que c'est un fantasme. C'est-à-dire la moitié du milieu dissident. Hein. Oui, ça a fracturé, non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça a fracturé le milieu dissident, cette affaire d'islam et de vision en tout cas des choses. Il y a plusieurs réponses, par exemple, ça peut être une question de classe sociale. Par exemple, quand je vois Philippe Plancard-Assac, je me dis que cet homme n'a pas conscience du problème musulman, parce que c'est un homme qui ne sort jamais de chez lui. C'est un vieil intellectuel qui vit dans sa bibliothèque. Donc je veux dire, quand tu ne sors pas de chez toi, évidemment, je ne vois pas Plancard-Assac regarder la télévision. À mon avis, il ne regarde pas des émissions de télé-réalité ou autre. Donc, il est plongé dans ses bouquins. Et en fait, il est dans une... En fait, il intellectualise un combat de survie pour nous. C'est-à-dire qu'il n'a simplement pas conscience de la quantité. Il n'a pas conscience de ça, il n'est pas dans la rue. Mais sinon, pour répondre à ta question qui est assez intéressante, je dirais que je ne suis pas dans la tête de ces personnes-là. Je ne peux pas tenir. Ça peut être de la peur. C'est très certainement de la peur. Comme par exemple, moi, une des premières fois où je me suis éloigné de Soral, c'est en 2012, lorsque je ne sais plus ce qu'a dit Marine Le Pen. Elle a dit que la France était occupée par les musulmans quand ils faisaient des prières. Et là, tout à coup, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un Soral qui faisait caca dans sa culotte. Et je le dis comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce qu'il a fait une vidéo, tu sais, où il a dit « Oui, alors moi, j'ai soutenu Marine Le Pen jusqu'à présent. » Mais d'ailleurs, il avait une voix, sa voix devenait de plus en plus aiguë, en fait. Il se dévirilisait en direct, quoi. Et il disait « Mais moi, en fait, j'ai appelé à voter Marine Le Pen. Mais si elle continue à être islamophobe comme ça, eh ben, moi, je dis que ça va être fini, hein, parce qu'elle, c'est une trahison, etc. » Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, tout à coup, Soral, qui est suivi par un certain nombre de musulmans, s'est rendu compte que ces gens pouvaient se retourner contre lui. Et là, il s'est dit « aïe, aïe, aïe ». Donc, pour te répondre, je dirais que c'est un mélange de peur, légitime, et de préparation à la France d'après. Et pour terminer de répondre à cette question, je te dirais qu'il y a vraiment eu pour moi un point de rupture avec ER et avec Soral, dans une vidéo où Soral fait une critique du livre de Michel Houellebecq, « Soumission ». Soumission, oui. Alors, pour t'expliquer un peu le contexte, à l'époque, je suis, on va dire, disons soralien, parce que je suis ses vidéos, je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit. On est en 2012, j'ai quoi, 26 ans. Et à ce moment-là, j'ai lu certains... je crois qu'à ce moment-là, j'avais lu tous les bouquins de Houellebecq, sauf Soumission. Et Soral parle de Soumission. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que Houellebecq a compris l'époque et qu'il a compris que politiquement, finalement, le message le plus percutant et le plus réaliste, c'était celui de R. Et que son livre montrait comment il était possible de créer un empire celto-latino-méditerranéen maghrébin, en fait, en alliance avec les musulmans. En gros, ce qu'il a dit, c'est Houellebecq a compris le message de R et il est avec nous, quoi. Et c'est un bouquin formidable. Cette vidéo existe encore. Si vous regardez Soumission, vous tapez soumission Soral Welbeck, vous allez tomber sur cette vidéo. Alors moi, quand il a dit ça, j'ai été stupéfait parce que j'avais lu les autres bouquins de Welbeck. Et pour moi, Welbeck était un islamophobe. Il y a même un livre où Welbeck dit qu'en fait, c'est une religion d'enculeur de chameau. Donc, tu peux difficilement, je veux dire, une fois que tu as dit ça, le retour en arrière est compliqué. Alors, quand Soral a dit ça, je me suis dit, putain, ça se trouve, Welbeck, en fait, maintenant, il a peur des musulmans. Et il est revenu sur ce qu'il pensait. Alors, j'ai lu Soumission. Et c'est la première fois où je me suis dit, mais Soral est un menteur. Soit c'est un con, soit c'est un menteur. Parce que ce n'est pas du tout le message de Soumission. Le message de Soumission n'est pas... Oh là là, on va faire une alliance avec le Maghreb et faire un grand empire, le Saint-Empire parisiano-algérien. C'est pas du tout ça. Le message de Soumission, c'est on est en train de se faire niquer. C'est ça, en fait, quoi. Et ce n'est pas du tout joyeux. La conclusion n'est pas joyeuse. C'est du dépit. En fait, Welbeck se dit, parce que nous sommes passifs et parce que nous sommes faibles, l'islam va l'emporter. Et la plus grande des humiliations, c'est qu'ils ne vont même pas l'emporter par les armes. Ils vont l'emporter par les urnes. Voilà. Et à ce moment-là, ce que j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, Soral, pourquoi il a aimé Soumission ? C'est parce qu'en fait, il s'est projeté dans le personnage principal, il s'est vu en lui. Tu sais, le personnage principal est un professeur de fac qui, au moment où l'islam triomphe, décide de ne pas combattre, il décide de céder pour pouvoir continuer sa vie de jouissance. Et en fait, moi, c'est ma théorie, c'est qu'en fait, Soral s'est complètement projeté dans ce personnage. Il se dit, mais finalement, mais l'islam, ça ne change pas grand-chose. Je continuerai d'être Soral, etc. Et je pourrais même baiser quatre femmes en même temps parce que c'est autorisé par l'islam. Et là, je me suis dit, mais en fait, pour quel personnage as-tu une estime intellectuelle? Parce que cette personne, en fait, n'est pas un combattant. Il faut bien comprendre que Hassan, que tu as reçu sur le plateau il n'y a pas longtemps, moi, d'autres gens dans la dissidence, en fait, au départ, on était dans une démarche révolutionnaire. On pensait que R voulait faire la révolution. Mais vraiment, je veux dire, ça peut paraître grotesque parce que le mot révolution est tellement gavaudé, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais je veux dire, on voulait que les choses changent. On pensait que ça allait devenir un parti politique. On pensait qu'on allait vraiment renverser le pouvoir. Et en fait, quand il a pris ce positionnement sur l'islam, je me suis dit, c'est terminé. Mais il y avait quand même, pardonne-moi, mais dis-moi. Ça s'appelait égalité et réconciliation. Donc oui. Il y avait quand même le principe de base de R était... Mmh. On tend la main, en fait, aux communautés immigrées pour, entre guillemets, sauver la France. Puis finalement, c'est devenu un peu sauver la France, puis niquer les Juifs. Mais bon, ça, accessoirement. Oui, mais en fait, c'était quand même s'unir entre immigrés et Français. Quoi. C'était quand même ça le principe. Je comprends, mais il était moral, dans un premier temps, de chercher à passer par cette voie-là. Tu vois, je ne rejette pas en bloc tout ce qui a été ER. Je dis que, dans un premier temps, qu'en 2005-2006, ils aient pu être dans cet état d'esprit... En plus, il faut quand même voir en fait dans quel contexte où ça s'est passé. Il faut quand même se rappeler que, et là je leur rends hommage, Dieudonné et Soral, et en particulier Dieudonné, ont ouvert une boîte de Pandore. Dire, on a vécu, toi comme moi, on a vécu une période où il était impossible de parler des Juifs. Mmh. Et personne n'en parlait. C'est-à-dire que le simple dire le mot juif, il y avait un frémissement dans la salle. Et donc en fait, au début d'Égalité et Réconciliation, on ne se posait pas la question de l'islam parce que, il n'y avait pas autant de... Il y avait déjà de la délinquance, mais il n'y avait pas de terrorisme. Il n'y avait pas autant de revendications musulmanes. En fait, tout simplement, le réel nous a rattrapés. Et ce que je reproche à tous ces vieux comptes dissidents, c'est qu'ils ne s'adaptent pas à la réalité de l'époque, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu une vidéo d'Hilar qui te parle du mondialisme, t'en as vu 100. Mais des fois, tu as envie de les secouer, ces mecs. Tu as envie de dire, mais on peut parler des lumières de 100 000 ans, les gars. Mais en fait, là, il y a 20 millions d'Arabes sunnites qui veulent nous faire la peau. On réagit ou on fait quelque chose? Comment ça se passe? Donc ce que je veux dire au départ, c'est que pourquoi il y a un enthousiasme? C'est parce qu'il y a eu une libération de la parole réelle de la part de ces gens-là, de la dissidence. Et je voudrais d'ailleurs à ce titre, pour un peu détendre l'atmosphère, raconter en fait le... Parce que les gens se demandent beaucoup, mais comment t'as commencé à bosser avec Dieudo, etc. Ouais. Alors j'avais donné des éléments de réponse. Oui, dans ma première vidéo qui a sauté, malheureusement. Bon. C'est pas grave, elle renaîtra sous d'autres cieux. Mais ce que j'ai oublié de te dire, c'est que donc, moi, c'est à peu près... J'ai rencontré Dieudonné en 2008. Mm-hmm. Je lui ai proposé de filmer ses spectacles parce que j'aimais son humour, etc. Je voulais faire partie de l'aventure. Tu vois, j'avais un désir aussi. Parce que les gens qui... Il y a pas mal de gens qui me déconsidèrent sur le plan intellectuel en disant, mais finalement, d'où sort ce Gugus? Mais attendez, les enfants, moi, à 22 ans... J'étais déjà dans l'aventure dissidente. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Pendant que vous jouiez à Zelda, moi je suivais Dieudonné en tournée. Il y a quand même. Voilà, bon. Et il y a eu un événement majeur pour moi en 2009 qui a été le bal des Quenelles. Mm-hmm. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à l'époque, donc, j'étais encore à l'état de test. C'est-à-dire que Dieudo voulait voir comment je m'en sortais avec la caméra, si je savais en gros filmer quelque chose. Quoi. Et c'était la première cérémonie des Quenelles. Il m'a dit, bah viens. Et filme, et puis après tu feras un making of, tu vois quoi. Alors je viens, je sais pas trop à quoi m'attendre, etc. quoi. D'ailleurs, c'est drôle comme le monde est petit parce qu'il y avait Hassan aussi dans ce... Ouais, d'accord. Mais on ne se connaissait vous pas à l'époque. Vous ne vous connaissiez pas, ouais, on c'est s'est marrant. pas vu, voilà. Et il n'y a, à ma connaissance, hein, il n'y a pas de trace vidéo de ce bal des quenelles 2009. Je ne me rappelle pas, non. Bon, moi, j'ai tout filmé. J'ai ça, tout ça en archive. Peut-être qu'un jour, ça ressortira quand je voudrais être coquin. C'était un rassemblement antisémite à un niveau que tu peux pas imaginer. C'est-à-dire que même pour un mec qui n'est pas antisémite, c'était un moment unique, quoi. Non, mais vraiment, je le dis, c'était... Parce que les gens ne comprennent pas, ils disent bah, finalement t'aimes bien Soral, et puis après en 2013 tu l'aimes plus. Mais il faut voir au début ce que ça a été, quoi. Ça a été vraiment, je veux dire, quand t'es dans une salle de 1000 personnes, en fait, où t'as, je me souviens très bien, il y avait, tu sais, le bal des quenelles, il y a des nominés. Oui. Il y avait une catégorie, mais je crois que rien que l'intitulé, en fait, c'était dingo, quoi. C'était du Céline. C'était le juif le plus juif de l'année. Mais rien que ça. Moi, d'ailleurs, j'étais avec Romain Guérin aussi, avec mon pote. Ouais. Et même moi, on était mal à l'aise. On était des jeunes de 22 ans comme ça. On disait, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? On est où, tu vois, quoi? Et il y avait, en fait, dans la salle, un engouement antisémite. Je suis désolé, c'était le cas. Qui, l'espace d'un instant, nous a fait croire au projet de réconciliation, on va dire, quoi, dans l'optique, je dirais, de battre le pouvoir. En fait, cette alliance Power Rangers, qui est une construction intellectuelle qui ne fonctionnera jamais, c'est-à-dire, en gros, les Blancs, tu sais, le Power Rangers, fusion, les Blancs et les Maghrébins, wouh, contre les Juifs. Mais il y a eu ce moment unique où, effectivement, il y a eu tellement de... C'est le principe des, comment dirais-je, des réunions, des meetings. Il y avait énormément de personnes, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu autant. Il y avait plus de 1000, parce que c'était la première fois que Dionnet faisait ça. Et ça a culminé au moment où Kémy Séba a fait un discours. Mais te pas... J'en ai encore des frissons. C'était un discours d'une d'un antisémitisme dingue. T'étais pas présent non, toi, sur la présent, salle. Non, non. Bon, en fait, Kémy Séba avait un micro et en fait, il se déplaçait dans la salle et il disait oui, alors il y a des problèmes, effectivement, il y a la colonisation des Blancs, etc. Il fait monter la sauce, on ne sait pas trop où ils vont en venir, tu vois quoi. Et il dit mais au fond, le vrai problème, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi? Et là, il tend le micro à la salle. Et toute la salle a encore fait les juifs, les juifs. Mais oui, mais ah, d'accord. Mais oui, mais l'ambiance. Ah ouais, je comprends qu'on n'ait pas vu les images finalement. Mais tu vois, il y a Geoffrey qui est également présent en 2009. Je ne rigole pas. Et de son, je les ai ces images. Et à ce moment-là, toute la communication de R et de Dieudonné, c'était basée sur le fait, genre oui, on nous fait passer pour des antisémites, mais on l'est pas. En fait, quand j'étais là sur l'âge, je me suis dit, en fait, si, vous l'êtes, en fait. Mais ça ne me dérangeait pas à l'époque, t'imagines bien, tu vois. Mais en tout cas, il y a eu vraiment ce moment unique qui a fait que, à tout le moins, ça a été une libération de la parole absolument incroyable. Voilà. Et je ne sais plus pourquoi je te parlais de ça, mais parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est que... Ah oui, je sais pourquoi je te parlais de ça, c'est que donc, j'ai tout filmé. Oui. Et à la suite de ça, j'y ai Dieudo, 22 ans, comme ça, tout frais. Je dis, alors Dieudo, qu'est-ce que je fais de ça? Et il me regarde deux secondes, comme ça, il me fait « on va pas utiliser les images hein, pour cette fois. Hein. On les garde, on archive. » Donc, pas folle voilà. La gueule. Voilà, voilà. Donc, c'est ça pour dire que c'est pour expliquer, en fait, le cheminement intellectuel et politique qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu une considérable libération de la parole qui, pour moi, s'est arrêtée à peu près en 2012-2013 lorsque ces gens-là ont compris que, démographiquement, les musulmans étaient en train de gagner. Et là, ils se sont dit, puis tu sais, il y a aussi une usure, tu sais, quand tu as été quelque part, est-ce que moi aussi je ne vais pas m'user? Peut-être qu'à 50 ans, je serai fatigué, tu vois. C'est-à-dire que tout être humain cherche à un moment donné du confort. Et je comprends un peu la démarche. Soral a dû se dire, oh, bon, 10 ans antisémitisme, 45 procès dans la gueule, alors je ne vais pas me mettre non plus les musulmans à dos. Surtout qu'il y a ce facteur-là avec les musulmans, c'est que ce n'est pas seulement que tu risques la prison, tu risques la mort. Et c'est une réalité. Et encore une fois, toutes les personnes qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas ma personnalité, d'ailleurs, je pense que c'est plus une question de personnalité, si tu veux mon avis, que de fond. Dites-moi en commentaire en quoi j'ai tort quand je dis que l'islam fonctionne par coercition. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam nous empêche d'être dans notre essence des Français et de faire ce qu'on veut en termes de liberté d'expression, parce que simplement, quand on les critique, ils nous assassinent. C'est tout, c'est la vérité, c'est la force par l'exemple, c'est exactement ça. Et la raison pour laquelle que je me suis arrêté et que je n'ai pas fait cette caricature, en dehors du fait que je ne sais pas dessiner, c'est-à-dire qu'on aurait vu un truc un peu bizarre, c'est que moi j'ai peur aussi. Tu vois, mais la différence, c'est que moi je le dis, tu vois. Et cette espèce de non-dit, c'est créer un ulcère, en fait, chez les dissidents qui leur fait raconter n'importe quoi. Et l'exemple total pour moi de ça, c'est Rissen. C'est-à-dire que maintenant, Rissen, à chaque apparition, il est de plus en plus ridicule. Parce que plutôt que d'aller de faire un pas vers nous et de dire « oui, c'est vrai, j'ai beaucoup critiqué le judaïsme, mais il y a quand même un problème avec l'islam », il le nie complètement, ce problème. Et voilà, quoi, c'est du déni. En psychologie, tous les gens qui font du déni sont malheureux. Et malheureusement, c'est que les leaders, quand tu fais confiance à un leader d'opinion, tu épouses complètement sa vision. Et les gens qui épousent cette vision-là sont complètement paumés, ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Parce que ça a complètement. C'est un aspect, comme on parlait tout à l'heure, on a commencé à parler justement de cette fracture dans la dissidence, au sens que, clairement, il y a, on va dire, d'un côté, justement, ceux qui ont compris et qui osent parler de cette islamisation, et les autres qui te disent Bien non, sûr. tout est le sionisme, tout est c'est les juifs. Et même quand il y a effectivement, ce qui est un peu énervant, Dis-moi. des choses faites par les musulmans, on accuse encore les sionistes toujours quand c'est un attentat, quand c'est un truc. Quand en fait, même moi je le vois sur certaines de mes vidéos où systématiquement on me dit, oui, mais tu parles pas du sionisme. Alors que bon, j'ai fait Dieu sait combien de vidéos contre le sionisme, Oui, bien je suis sûr. encore en procès avec la LICRA et tout ce que tu veux, machin, mais on va me dire, oui, tu es sioniste, etc. Parce que y a ce refus de voir. Mais ça, je me pose la question. Alors, Oui. comme tu as dit, oui, effectivement, il y a la peur, il y a le fait que c'est dangereux. Et donc, c'est ça qui aveuglerait donc cette partie des gens là C'est aussi une paresse intellectuelle, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs dissidents et nationalistes qui ont 50, 60, 70, 80 ans, en fait, ils sont sur des logiciels de nationalisme qui correspondent aux problématiques qu'il y avait dans les années 30. Tu vois? Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de musulmans. Et donc, les mecs, ils ont une doctrine qui est toute faite, tu sais, point 1, point 2, point 3, point 4, puis ils te disent, mais regarde, l'islamophobie, c'est pas dans la doctrine, hein? Et tu dis, mais en fait, on est en 2018, les gars, quoi. Réveillez-vous, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, des bébés blancs écrasés par un camion, dans toute l'Europe, il y a eu Berlin, il y a eu Stockholm, réveillez-vous. Donc, pour moi, c'est une forme de paresse intellectuelle, c'est-à-dire que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La peur, la volonté de draguer un nouveau public. Quand je t'ai parlé de. Je suis pas allé au bout de l'anecdote, en fait. Quand je t'ai parlé de soumission, pourquoi en fait. D'ailleurs, le titre, que veut-il dire? Il a un double sens. La soumission, c'est la soumission des musulmans à l'islam. D'ailleurs, islam veut Il dire veut dire soumission. soumission. Mais c'est évidemment la soumission des Occidentaux, surtout des Européens de l'Ouest, aux musulmans. Voilà. Et en fait, pourquoi Seurat a apprécié ce bouquin? C'est parce qu'en fait, au final, ces gens-là, ils ont abandonné, ils ont jeté l'éponge. Pour eux, c'est terminé. Pour eux, le combat politique est fini. Le communautarisme blanc ne fonctionnera jamais. Donc, ils se disent, quel est le meilleur moyen de survivre? Se créer une place dans la France musulmane. C'est ça qu'ils font. Voilà. Donc, ça peut être ça ou ça peut être simplement la paresse intellectuelle. Je pense que, par exemple, c'est le cas d'un Philippe Plancard-Assac. Moi, c'est un mec qui est sur notre planète, tu vois. C'est le mec qui te dit, il te dit, oui, c'est ridicule. Maurice Lellé est sioniste parce qu'il ne fait pas la différence entre tous les islams. Et il commence à te baratiner, te parler une demi-heure de l'islam chiite. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'islam chiite? Il n'y a pas de chiite en France. Oui, en plus, Il n'y a pas de chiite en France. Il y a oui, 3% de chiite en on France. C'est vrai. Et par ailleurs, les chiites, c'est mieux que les sunnites. Ah bon? T'as envie de vivre en Iran, toi? Je ne suis pas particulièrement gay-friendly, mais un pays qui balance les homosexuels en haut d'une Oui, tour, pardonnez, je ne suis pas fan-fan. Et en fait, ce qui est effrayant, c'est que le public dissident est fakirisé par tout ce blabla abscon. Tu vois, ils sont là. Ah oui, ah ouais, c'est vrai, l'islam chiite. Ah, Conversano, il prend pas en compte l'islam chiite. Mais tout ça, c'est de la branlette. Parce que ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on vit. Tu comprends? Et pour finir de répondre à ta question, il faut bien comprendre que là, tu me dis pourquoi les leaders d'opinion fonctionnent comme ça. Mais il faudrait poser la question, pourquoi les gens mangent ce discours? Pourquoi, en fait, finalement, Soral continue d'avoir des gens qui le suivent? Parce qu'il est très confortable. Il est plus confortable d'imaginer que ça va bien se passer que d'imaginer que ça va mal se passer. C'est pour ça que j'agace énormément de monde dans le milieu dissident. C'est que je suis porteur d'un message qui n'est pas agréable. Et ce message, c'est ça ne va pas marcher. Le multiculturalisme, le multiracialisme, ça ne va pas marcher. 20 millions de Maghrébins sunnites en France, ça ne va pas marcher. Soit dans un sens, soit dans l'autre, il va y avoir du sang. Et à côté de ça, tu as ER. Et là, on est dans un monde de saltimbanques. C'est-à-dire, en fait, on rime, on jongle avec les concepts, tu vois, on fait rentrer des ronds dans des carrés. Et t'as Soral qui finit par dire qu'il y aurait une ironie hegelienne à ce que les musulmans sauvent la France. Alors que les musulmans détestent la France. Ils n'ont qu'un projet, c'est le détruire. Il n'y en a pas d'autre. Musulman patriote, pour toi, c'est un oxymore. Mais pour toi aussi, on le sait bien au fond Ah non, moi, c'est ah, pas. Ah, me fais pas de problème, j'ai déjà assez Mais écoute, on va pas. Alain Wagner a tout expliqué. Il a fait une émission formidable sur ce plateau-là. Il ne peut pas exister de patriotisme musulman à plus forte raison pour des pays qui sont européens. Parce que, en fait, si tu veux, il faut imaginer l'islam comme un pays. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font avec l'État islamique. En fait, l'idée, c'est recréer un califat. Califat, c'est le mot arabe pour dire empire. C'est tout. En fait, partout où ils vont, ils veulent juste étendre leur territoire. Encore une fois, c'est même pas la question de dire les musulmans sont méchants ou gentils. C'est que c'est leur projet, comme dirait Macron. parce que c'est leur projet. C'est vrai, non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne viennent pas ici pour être des musulmans patriotes. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, de toute façon, je vais te dire, moi, les seuls maghrébins et arabes envers qui j'ai de l'estime et que je crois être vraiment avec nous, parce qu'il y a des amis de l'Occident. L'Occident, ce n'est pas que des Blancs. C'est aussi des gens qui aiment vivre ici, qui respectent. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Majid Oukacha, pour Aldosterone, pour Hassan Occident. Évidemment, ils travaillent avec nous. Mais quel est le point commun de ces gens-là? C'est qu'ils sont sortis de l'islam. Bien sûr, parce que le logiciel de l'islam est anti-occidental. Donc en fait, c'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est vrai que pour un maghrébin, on a l'impression que plus il sort de l'islam, plus il se rapproche de la France. En évidemment, fait, il y a un lien de corrélation absolu. Bien sûr, et évidemment, comme par hasard, tous les musulmans commencent à le détester. Tous ceux qui sont restés au pays disent « Ah, sale traître !» T'as vu, là maintenant, Aldosterone est obligé de supprimer des vidéos. Je veux dire, un mec comme Majid Oukacha, ce qui est scandaleux, c'est que la dissidence soralienne arrive à traiter un mec d'Oukacha de sioniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? En fait, c'est du mépris. C'est genre, oh, t'es avec l'ennemi, etc. Alors que Majid Oukacha risque sa vie. Je veux dire, quand il va à Paris, Majid Oukacha risque sa vie. Soral ne risque jamais sa vie. Malgré tout, il est toujours en train de se balader avec des gardes du corps, tu vois quoi. Donc, il y a une hiérarchie dans la subversion. Tu comprends? Et le plus grand danger, c'est celui-là. Encore une fois, je me répète, mais. Non, bien sûr. Mais c'est marrant parce que, tu sais, j'ai reçu Jean-Robin hier, mais il dit la même chose que toi. Ah non, vous mais. Vous allez être d'accord sur ce point-là, en tout cas. Tout à fait. Non, mais tout à fait. D'ailleurs, il dit que tu as aussi raison sur l'analyse que tu viens de développer, justement, sur. ER et sur leur idéologie. Oui, bien sûr. Il te donne raison. Bon, oui, on connaît les inimitiés avec qui il a. Non, mais bien sûr. Après, c'est vrai que... Oui. Non, mais bah, lui, il est protestant, je crois. Oui, tout donc, à fait. C'est vrai que c'est rare, un mec, finalement, dans la dissidence qui est... Bah, il y a riposte laïque aussi. Il y a quand même... Il y a des mouvements anti-musulmans. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que la réalité, c'est vrai que les mouvements les plus anti-musulmans de la dissidence sont les plus boycottés. Par exemple, tu vois des gens comme Riposte Laïque, personne ne les invite, personne ne leur donne la parole. Moi, j'ai invité Alain Wagner, tu peux pas savoir les tonnes d'injures que j'ai reçues et de menaces, de machins, en me disant ça y est, t'as invité les sionistes, t'es devenu un suppôt du Mossad, etc. Encore une fois, au risque de donner l'impression que je suis obsédé, c'est juste que qui met ce virus dans la dissidence? C'est Alain Soral. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi tu peux pas inviter ces gens-là? Parce que tu as le maître du Logos qui, un jour, dans une vidéo, a dit que le poste laïque, c'était des sionistes. C'est le même procédé pour... Encore une fois, la semaine dernière, tu as reçu Papacito. Et au début de l'émission, c'est drôle, mais j'ai éclaté de rire parce que tu lui dis, bah, tu sais, je te reçois, mais il y a beaucoup de gens qui disent que tu es sioniste. Et donc, du coup... Oui, dans le Ring, oui, oui, oui. Parce que voilà, Ring serait tenu par les sionistes. Tout à fait. Il y a une espèce de non-dit qui m'a fait rire, c'est que moi, j'aurais été Papacito avec son petit accent de Poulzen. Je t'aurais dit, mais Soral, mais en fait, te pas... Qui traite Ring de sioniste? C'est Soral. C'est ce vieux con de Soral, tu vois. Moi, c'est exactement ce que j'aurais répondu. Parce que à chaque fois qu'il a un concurrent, à chaque fois qu'il a quelqu'un, il a les clés de la dissidence, c'est lui qui vend le plus de bouquins, contre-culture, etc. Et donc, chaque fois qu'il voit un petit jeune pousser, il se fait pas chier. Il a deux techniques. C'est petite bite ou sioniste. C'est ces deux arguments, tu vois quoi. Donc voilà, alors moi, j'ai lu tous les bouquins de Laurent Berton. C'est évident que Laurent Berton n'est pas philo-sémite. C'est un nationaliste blanc. En fait, il a absolument rien à se reprocher. Il fait un travail extraordinaire. Et en fait, t'as simplement Soral, pour sauver son business, il met dans la catégorie sioniste, en fait, qui est une catégorie mentale qui veut dire démon, hein, dans la tête des gens qui le suivent, tout à fait. Bah, tous les gens qui peuvent lui faire de l'ombre. Ça va de Laurent Berton en passant par moi, et Boris Lelay, et tutti quanti. Donc voilà. Donc mais tous les, les nationalistes blancs, quoi. Alors, en les gros, nationalistes quoi. Blancs, et puis je dirais les gens qui sont sur une ligne simple, mais qui correspond à la réalité des questions que se posent les Français. Par exemple, riposte laïque. Mais je veux dire... On se moque de riposte laïque en disant « Ouais, c'est pas des intellectuels, c'est juste des républicains. » D'ailleurs, on me l'a déjà dit ça. On pourra en parler. On me l'a déjà dit. Ah ben, on en parlera parce qu'on me l'a déjà dit. Mais en gros, en fait, on les déconsidère, voilà quoi. L'air de dire « C'est pas très sérieux, ça manque de nuances, c'est bébête. » Oui, mais en fait, la ligne riposte laïque, c'est la ligne la plus partagée par les Français. Et en fait, moi je vois en fait une... on est des dissidents, on est censé être proche du peuple. Et en fait, là, on lui crache dessus. En fait, on est en train de dire au petit ouvrier qui souffre quotidiennement l'immigration... qui est obligé de surveiller sa fille quand elle rentre du boulot parce que si elle est habillée de telle manière, les musulmans vont commencer à lui toucher le cul ou à la frapper. Et en fait, donc ça, c'est la ligne riposte laïque. C'est-à-dire, en fait, on était bien en France avant eux. C'est ça, la ligne riposte laïque. Et t'as plein de mecs qui disent « Ouais, non, c'est n'importe quoi. » Mais je suis désolé, c'est ce que tous les Français pensent. C'est le vote Front National. Tu comprends? C'est ça la surtout la base. Surtout que tu viens de la gauche, riposte laïque, il faut préciser. D'autant hein, le plus. Pierre Cassin, c'était un syndicaliste de mais gauche. Mais oui, à en plus, on ne peut même pas le reprocher d'être des fascistes, tu vois, des mecs d'extrême droite à la base. Donc, Et puis je te dis, de toute façon, ce logiciel, cette diabolisation de la République est ridicule. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis en Ah disant bah ça. vas-y, alors, vas-y, on t'en a déjà plein. Non, mais par exemple, tu vois, je me sens en amitié personnelle avec Adrien Bozy, c'est quelqu'un Oui. d'exceptionnel, il est très cultivé, c'est un homme délicieux. Je veux dire, ça dit comme ça paraît bizarre, mais je veux dire, il est très cultivé, j'ai du plaisir à partager du temps Bien avec lui, sûr. mais je ne suis pas du tout sur son logiciel. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il y a un certain nombre de. Si tu veux bien, je voudrais aborder la question du catholicisme. Bien sûr, on pourra. Tu sais quoi, tu anticipes mes questions. Tu dois Non, regarder non, sur non, les non, feuilles, c'est même pas pas. possible. Non, mais si tu veux, alors déjà, là, on aborde la question religieuse, et là, on parle d'une religion qui est celle des nôtres, des Européens. Donc, il faut être très prudent dans ce qu'on dit. Je ne veux vexer aucune sensibilité. Je ne parle pas de ce qui motive tout à chacun. Surtout que j'ai vu que tu étais mis plein de cathos à dos. Alors, juste. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, Mais juste. je vais en Alors, arriver au juste, point, ouais. mais il faut bien comprendre que je distingue les motivations individuelles. C'est-à-dire que tout ce qui donne une structuration morale à un individu est bon. Si c'est le catholicisme, c'est bien. Si c'est le paganisme, c'est très bien. Il y a une tradition avec un grand T, le patriarcat, s'occuper de sa famille, s'occuper des siens, avoir du respect pour la vie, etc. Tout ça, toutes ces valeurs, peu importe si elles s'incarnent dans le christianisme ou le paganisme, peu importe. Moi, je vais te citer un exemple. J'ai mis en avant un communautarisme qui est en train de se faire dans le sud de la France. C'est un type qui a acheté 10 maisons et qui voulait mettre des catholiques dedans. D'accord. Des catholiques blancs dedans. Et il y est parvenu, tu vois. Et c'est un homme très charmant et très gentil, d'ailleurs que je salue au passage. Voilà, que pourrais-je te citer, dont je t'ai parlé à Bozy. Alexandre Gabriac, pour moi, c'est vraiment un mec, une gentillesse extraordinaire, qui est d'ailleurs beaucoup plus cultivé que ce qu'on pourrait croire. J'ai des bonnes discussions avec lui. Mais là, on parle du catholicisme en tant que projet politique. Moi, il y a une expression qui me fait rigoler, c'est celle du pays réel, tu sais. Oui, Alors, en fait, l'idée de pays réel, ouais. ce serait qu'en fait, Civitas d'actu. ouais, non, mais même, en fait, tous les cathos. En fait, c'est une espèce de conspirationniste catho qui se disent, en fait, les Français, au fond d'eux, sont toujours catholiques et le pouvoir empêche ce catholicisme d'exploser au grand jour. Ben, moi, je lui dis que c'est de la connerie. En fait, les Français ne sont réellement plus croyants. Et c'est, je veux dire, ils ne sont pas accablés pour ça. C'est le sens de l'histoire. Plus tu as une société technologique, de progrès, de confort, où en fait, je sais pas, rien que le fait de faire sa prière avant de manger, pourquoi les gens ne la font plus? C'est pas parce que les gens sont décadents, c'est pas parce que les gens sont des méchants hommes, mais c'est parce que depuis l'ère de l'industrie, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens en 1700, quand en fait, bouffer, c'est miraculeux. Où je tiens à rappeler d'ailleurs qu'il y a un certain. Parce que ce que je déteste dans le logiciel anti-république, c'est qu'il y a une. Comment dirais-je? On jette un regard merveilleux sur l'avant 1789. Et en fait, c'était le paradis. Les paysans, comme ça, ils bossaient comme ça avec un pied. Et puis en même temps, ils mangeaient du sauciflard et c'était à la bonne franquette. Mais c'était une vie de galérien. C'est une vie de chien. C'était une vie où. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'une des origines de la Révolution française, c'est l'augmentation de je ne sais plus combien de sous, de 5 sous, de la miche de La pain. pige de pain. Parce que les Français ne bouffent que ça, tu vois. Donc, moi, je suis contre l'idée qu'il y a une décadence occidentale. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros virus dissident. Mais alors là, il est partagé pour tous. Les soraliens, les catholiques, même certains païens. C'est-à-dire, en fait, l'idée que, en gros, depuis la mort de Jésus, on est en chute permanente. Et cette idée est insupportable parce qu'elle ne peut pas être plus fausse que ça, si tu veux. Le contre-argument parfait à cette idée-là, c'est que le monde entier veut rejoindre l'Occident. Si nous étions en décadence, en fait, nous ne serions pas attractifs aux yeux des gens. Or, nous le sommes. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet de vision entre l'Occident tel qu'il est vu par des non-occidentaux, c'est-à-dire le paradis, vraiment, c'est-à-dire, on le sait, hein, d'ailleurs, s'il y avait Lugan ici, il pourrait t'en parler. Le rêve de n'importe quel Africain, c'est venir en France ou en Europe. Le mec se réveille. Il naît, il n'y a qu'une chose qu'il veut, c'est aller en Occident. Ou quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui sort et tu peux la boire, il y a Internet et tutti quanti. Bon, alors, c'est une espèce de rêve. Voilà, tous les pays du tiers-monde veulent aller en Europe, c'est fabuleux, extraordinaire et ça. Et puis, tu as les dissidents qui s'auto-flagellent comme ça en disant: Ah, oh, l'Occident décadent! Oh mon Dieu, on est de la merde! Et en fait, c'est une extension du masochisme de gauche. C'est-à-dire que le masochisme de gauche est un masochisme ethnique, c'est-à-dire en fait. On est des blancs, on est de la merde, c'est le logiciel antifasciste. Mais en réalité, le logiciel des cathos dissidents est très similaire. Et c'est en fait un masochisme décadentiste. C'est dire en gros, on n'est plus ce qu'on était. On est immoraux, comme si les autres peuples ne l'étaient pas. Je veux dire, mais les gars, allez au Pakistan si vous trouvez qu'en fait on est immoraux en France. Et c'est un logiciel ridicule, parce qu'encore une fois, l'Occident est toujours au top. Il est toujours au top. Le seul problème de l'Occident, c'est. À la limite, si on veut chercher une origine intellectuelle à la bêtise politique des Blancs, plutôt que de la chercher en 1789, on peut la chercher en 1945. C'est-à-dire que descendre de 1945 est né le gauchisme. Parce que le camp racial blanc a perdu. Et en fait, par effet rebond, le perdant, on l'a toujours dans l'os, tu comprends? Donc en fait, il y a eu une espèce de dinguerie où les gens se sont dit, pour plus que la Seconde Guerre mondiale ça se reproduise, il faut anéantir le racisme. Et ça a créé l'immigrationnisme. Ça, effectivement, ça a été une source intellectuelle de l'immigrationnisme, c'est-à-dire la volonté de laisser les portes ouvertes de l'immigration. Mais en réalité, à part ce problème-là, et ça, je vais te dire, pour finir de répondre à la question, j'ai réalisé que j'étais dans une posture de dissidence, parce que finalement, les gens vont se dire, mais quand tu es venu en 2014, tu disais que tu étais catho, etc. Mais parce que je ne réalisais pas à quel point j'étais dans la posture, tu comprends? Tu sais, c'est l'époque où je faisais les vidéos dictateurs. Oui, tout En à fait. fait, le personnage, je ne savais plus si j'étais le personnage, j'étais moi-même. Et en fait, depuis, j'ai pris au sérieux le combat politique. Et justement, je l'ai pris au sérieux au moment où il y a eu ces attentats. Ça a été des claques. Je me suis dit, ouais, on arrête de rire. Là, l'Occident est menacé, tu vois? Et j'ai commencé à prendre ça au sérieux et j'ai réalisé qu'il y avait un certain nombre de positions intellectuelles que je prenais qui étaient de la posture. Et donc cette idée-là que l'Occident était décadent en faisait partie. Et Tu donc la vois? chrétienté, toi, tu dis que c'est pas forcément le logiciel. D'ailleurs, tu es assez méchant dans ton livre. Tu parles des Gogol 89. Quand Oui, non mais oui. Non mais écoute, tu critiques ceux qui sont focalisés sur les lumières et qui. Non mais parce C'est un peu que. les cathos, j'ai senti les. Bien sûr, c'est pas dur à comprendre, mais parce que en fait, il y a un côté ridicule à ne pas voir la réalité du danger immédiat. Tu comprends? C'est comme si un mec te lâche un pitbull sur toi et tu vas t'inquiéter parce que ta bagnole est mal garée. Tu vois, il y a un problème. Mais c'est quasiment de la folie. Je veux dire, tu as le sentiment que tu as 20 millions d'afro-musulmans qui pressent comme ça, qui poussent à la porte, et puis là, tu as le cadavre de Rousseau et Voltaire, et tu as des mecs qui tapent dedans, genre, sale enculé, sale lumière! Mais je veux dire. Les mecs, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Et puis encore une fois, je suis désolé, moi, tu sais, j'ai une formation de philosophe. C'est-à-dire qu'en fait, une maîtrise de philosophie et j'ai continué à en lire même quand j'ai arrêté mes études. Et il y a toujours eu un combat en moi entre foi et raison. Et rien que par le fait qu'il y a ce combat-là, je ne peux pas accepter ce discours anti-rationaliste qu'il y a dans le milieu dissident, où on te dit qu'en fait, c'est le rationalisme égale. Les lumières égale franc-maçon égale Satan. Non, je suis désolé. Je veux dire, là, à un moment donné, les penseurs occidentaux ont de l'importance. Je ne peux pas dire, en fait, c'est que la religion et tous les rationalistes sont des connards. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, l'Occident est ce qu'il est parce que des scientifiques, des philosophes, des penseurs, des gens qui sont dans la vraie science, en fait, l'ont dessiné ainsi. Tu comprends? Donc, si tu veux, j'ai pris conscience du fait que le logiciel dissident, par-delà les questions de Soral et tout, était. Profondément, il est faux en fait, il est fallacieux. On n'est pas du tout sur la bonne pierre, quoi. Donc toi, tu n'es pas dans ce rejet donc, de la République systématique. Tu dis que la République, en fait, a apporté des bonnes choses aussi. Évidemment, mais c'est surtout que je m'en fiche en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une question de régime, monarchie, république, ce que tu veux. Dans le monde actuel, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de stopper l'immigration, d'instaurer un processus de réémigration si possible. Et surtout de créer du communautarisme, tu vois. Mais le reste, pour moi, c'est irrelevant, tu vois, comme disent les Anglais. Encore une fois, c'est parce que tout ce qui a trait à, on va dire, tout ce qui est éloigné de la réalité de notre temps, pour moi, est erroné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser aux Lumières, etc., en 2018, alors qu'en fait, on a des problèmes beaucoup plus concrets à affronter. Tu vois. D'autant que moi, je les ai lus, ces auteurs. Et en fait, Rousseau n'est pas un être diabolique. Voltaire n'est pas un être diabolique. Et bon, j'accuse un certain nombre de personnes, d'ailleurs, qui critiquent les Lumières, en particulier les spectateurs de la dissidence. Je ne veux pas te dire que Hilar ou Abosi n'ont pas lu les Lumières, mais je te dis que les spectateurs de la dissidence ne l'ont pas lu. Et par exemple, moi, j'aimerais qu'on me fasse un schéma pour m'expliquer comment on passe du zéro, c'est-à-dire les Lumières, à l'immigration-invasion. Parce que les dissidents font un trait comme ça. Ils font un trait et ils font une flèche en disant « parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça ». Mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Voltaire a écrit les propos les plus racistes que j'ai jamais entendus. Je veux dire, pour lui, un noir, c'était même moins qu'un singe, tu Oui, c'est vois? ce qu'il dit. Oui, Ben voilà. c'est Donc, en vrai. fait, quand Voltaire parle de cosmopolitisme, il parle de cosmopolitisme européen. Il parle en fait d'une ouverture sur notre propre monde, tu vois? Oui, tout Donc, à tout ça est fait. basé sur. Il y a de l'inculture, il y a de la dinguerie, et il y a aussi l'idée d'être dans une subversion confortable. Parce qu'encore une fois, tu peux critiquer les Lumières 200 000 ans, il t'arrivera rien dans ce pays, tu vois? Voilà. Récemment, il y a eu effectivement le Premier ministre qui a dit que les propos contre la République allaient être sanctionnés. Sanctionnés, mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ça ne s'adresse pas à nous, nationalistes. Cette loi s'adresse aux musulmans, en réalité. Parce que les musulmans détestent également la République. Et en fait, il essaye par ces lois-là de juguler un peu la montée de l'islam. Ce n'est pas du tout contre les figures de la dissidence, tu vois. Il ne faut pas le voir comme ça. Et surtout en tant que système, moi qui suis... Je veux dire, je suis un prolétaire. Mes parents ont peu d'argent, mes grands-parents aussi. Et moi, je dis que, surtout dans les spectateurs de la dissidence, il y a un fantasme. C'est-à-dire, c'est le fantasme de l'avant, avant 1789. Parce que tous ces gens-là, bizarrement, quand ils pensent à ce qu'ils étaient, à leurs ancêtres, c'est marrant, mais ils ne se rêvent pas paysans. Ils se rêvent tous chevaliers ou bourgeois. Il faut comprendre que 95% des gens bossent du matin au soir, crèvent à 40 ans d'épuisement et en fait, n'ont aucune accès à la noblesse. Tu vois, c'est ça la réalité de l'avant. Je ne dis pas que c'est lié au christianisme. Il se trouve que c'était l'époque. Le virage technologique n'a pas eu lieu. Les gens ne réalisent pas ce qui s'est passé au 19e siècle. C'est un bond considérable. On ne se rend même pas compte comment on vivait autrefois. C'est une époque où un roi pouvait mourir d'une otite. Oui. Bon, à partir de ce moment-là, le christianisme est une nécessité civilisationnelle. Quand la peste arrive sur ta tronche et que tu as 6 enfants, tu perds les 6. Ben, si tu ne crois pas au paradis, tu es dans la merde, quoi. Parce que je veux dire, tu ne peux pas avancer. Tu vois, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les religions correspondent à la réalité d'une époque et aux besoins d'une époque. Tu comprends ? Alors aujourd'hui, effectivement, on se dit, mais est-ce que les musulmans ne sont pas plus forts que nous parce qu'ils ont une croyance et nous, on n'en a pas ? Cette question se pose. Cette question, c'est ce qu'on entend souvent, qu'il faut poser un logiciel un peu identique. Mais on ne peut pas... Il faut trouver une autre source de motivation que celle de la foi ou de l'espérance dans notre monde. Parce que les Français aujourd'hui, avec le degré de technologie qui est le nôtre, ne reviendront jamais à une échelle de masse à l'idée d'une vie après la mort. Parce qu'en réalité, c'est ça. On perd contre l'islam parce que la cohabitation avec les musulmans, c'est ça qui est incongru. Ces gens-là n'ont rien à faire avec nous parce qu'ils ont un retard civilisationnel de plusieurs siècles. On ne peut pas demander aux Blancs, et c'est pour ça qu'en fait j'essaye un peu de soigner le cœur des Blancs dans ce bouquin, parce que je leur dis, mais c'est pas de votre faute les gars. C'est normal que vous n'ayez pas envie de crever, vous. Parce que votre vie a une valeur. En fait, toute l'histoire de l'Occident, c'est d'en arriver... C'est l'Occident qui comprend lui-même la valeur unique de la vie humaine d'une personne, tu comprends ? Et jamais plus qu'en Europe de l'Ouest, on a compris cela. Et pourquoi on est en difficulté ? C'est parce qu'on est en face de gens qui non seulement n'ont rien à foutre à l'idée, n'en ont rien à foutre à l'idée de mourir, mais ils veulent mourir. Donc je veux dire, c'est à part en faisant du communautarisme, en se protégeant, alors on peut aussi parler de la voie survivaliste, tout ça c'est des projets qui sont similaires finalement. C'est l'idée en fait de se soustraire à cette équation, c'est-à-dire de se soustraire à, de s'éloigner, tout simplement, n'employons pas un périlangage, de ces personnes qui n'ont pas peur de mourir parce qu'ils croient en un autre monde alors que nous non. Et moi je dis qu'il y a une... Ce que je déteste franchement c'est le mensonge, et en particulier le mensonge politique. Parce que les petits mensonges, tu sais, quelqu'un t'appelle, il te propose de sortir, puis t'es fatigué, tu dis que t'es malade. Bon, hein, tout le monde fait ça. Je parle pas de ces mensonges-là. Je parle des mensonges politiques profonds. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré un catholique dans le monde moderne qui ait vraiment une foi forte comme l'est la foi des musulmans. Et si c'était le cas... Tu vas te mettre tu vas faire des amis catholiques encore avec ce genre de... Moi, je te le dis, c'est pas le même degré. C'est pas le même degré. Et je voudrais qu'ils se l'avouent à eux-mêmes. Si tel était le cas, il y aurait une vengeance après la mère du Père Hamel. La mort du Père Hamel. Il y aurait une vengeance, il n'y en a pas eu. Et je parle même pas d'une mort. Mais je parle de catholiques qui vont manifester devant une mosquée. Mais je veux dire, il n'y a même pas eu ça dans toute l'entièreté du pays, dans toute l'Europe. Tu comprends ? C'est-à-dire que pour la plupart des catholiques, ce n'est plus que de la posture. C'est-à-dire, en gros, nos ancêtres ont été catholiques, nous aussi, c'est joli de porter une petite croix, etc. Moi, je dis aux gens, si vous êtes vraiment catholique, soyez-le vraiment. Soyez-le vraiment. Et puis cette histoire aussi de, tu sais, le catholicisme traditionnaliste et le modernisme. Le conciliaire. Alors, c'est exactement la même démarche que le si par l'islam. Alors, les chrétiens, c'est si par le christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, 99% des chrétiens du monde suivent les propos du pape. Tu vas dans n'importe quelle église, on te dit qu'en fait, il faut accueillir toute la misère du monde. Tu as le pape qui lave les pieds des migrants, il pourrait leur lustrer les couilles, ce serait la même chose. Et tu as... non, mais... Bon, eh oui, mais j'ai aucun respect pour ce pape, tu vois. Et moi, je vais au fond de l'irrespectabilité. Parce que justement, là où je dis qu'il n'y a pas de rupture réelle entre les tradis et les conciliaires, ce qu'ils appellent les conciliaires, c'est qu'il n'y a pas une opposition forte. S'il y avait une opposition forte, on la verrait. On l'entendrait, on la verrait dans la rue, on verrait les manifestations, on verrait des catholiques tradis foncer sur le Vatican, faire quelque chose face à cette personne qui est en train de tuer l'Occident. La réalité, c'est quoi? C'est que le catholicisme aujourd'hui est ennemi de l'Occident. C'est l'ennemi de l'Occident parce que le pape... En réalité, on se dit, mais qu'est-ce que fait le pape? On comprend rien. Il dit à tous les Africains de venir. On se dit, mais c'est pas possible, pourquoi il fait ça? Ça va créer du mal dans l'Europe, c'est pas bon, etc. Mais c'est parce qu'en fait, le pape réfléchit avec un logiciel catholique. Et il tourne ses yeux vers un endroit du monde où les gens le sont. C'est tout. Et en fait, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'en Amérique latine, il y a énormément de catholiques. Il voit qu'en Afrique noire, il n'y a que ça. Et donc, en fait, l'Église catholique sert ses intérêts. C'est pour ça que moi, ce que j'aime pas chez beaucoup de ces dévacantistes, Et chez les tradis, c'est qu'ils font passer le pape pour un idiot, pour un fou. Ils disent, mon Dieu, mais il est fou, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, il fait ça pour sauver la chrétienté en Europe. Parce que la chrétienté et l'occidentalisme, c'est deux projets qui ne sont plus, qui ne coïncident plus. Ils sont plus en phase. Ça a pu être en phase à une époque, ça l'a été, au moment des conquêtes. En fait, moi, je suis un racialiste blanc. Tout ce qui sert, en fait, la cause des Européens me concerne. Lorsque le catholicisme était dans l'expansion, en fait, et accompagnait ce désir de conquête des Blancs, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, en fait, à une échelle politique et de masse, il est devenu un ennemi de fait. Et tous les racialistes sont sur cette position. Par exemple, sur démocratie participative, j'ai lu un article dont le titre c'était « La vermine catholique a encore frappé ». Parce qu'on dit, je veux dire, il n'y a pas que moi qui se pose des questions par rapport à ça. Il s'agissait du pape, évidemment, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il faut prendre la réalité telle qu'elle est. Pourquoi moi, je suis sorti de cette posture? Parce que finalement, quand je suis venu la première fois dans ton émission, j'étais de gréliste, de grêle. C'est-à-dire, en fait, j'étais catho-nazi. Quoi. Et alors, le nazisme était un troll, dans le sens où, même si je peux prendre des éléments du national-socialisme, je sais très bien que le nazisme ne reviendra jamais sous la forme qu'on a connue. C'est-à-dire avec les mêmes oripeaux, les mêmes drapeaux, etc. Tout ça, c'est terminé. Hitler a perdu, c'est fini, c'est fini. Mais le catholicisme, en fait, c'était dans une volonté de réenracinement identitaire. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une posture quand tout simplement, c'est la question de la pratique. Tu sais, combien de gens disent « oui, je suis croyant, mais pas pratiquant ». Mais c'est pas vrai. Quand t'es pas pratiquant, t'es pas croyant, en fait. Et un jour, je me suis regardé devant un miroir et je me dis « au fond, tu ne crois pas, Daniel ». Parce que si tu croyais dans la puissance de la prière, tu pratiquerais. Tu comprends? Et la majorité des Occidentaux en sont là. Et simplement, comme on est des Européens, on a une sensibilité, et quelque part, ça nous embête de nous éloigner de ce qu'on a été autrefois. On a l'impression que c'est un abandon. On se dit, mais non, mais nos ancêtres étaient cathos, on peut pas ne plus l'être, c'est horrible, etc. Mais je veux dire, l'histoire, elle va vers là, tu vois? Elle va pas vers là. Donc, il faut prendre conscience du fait que c'est... Je te parlais de ça pour dire que j'ai compris à un moment donné que je faisais partie d'une minorité. C'est-à-dire, j'étais dans l'exact schéma intellectuel des musulmans qui te disent « c'est pas l'islam ». C'est-à-dire qu'en fait, j'avais ma vision du christianisme, qui est un christianisme racial, de croisade, etc., parce que j'étais déjà anti-musulman à l'époque. Hein. Attention. Mais dans ma tête, je me disais « mais oui, mais le christianisme peut être un vaisseau pour la conquête, etc. » Mais le christianisme, et en particulier le catholicisme en 2018, ce n'est pas ça. C'est le pape. C'est ça la réalité. Si tu veux, pour donner un exemple populaire… Les tradis, quand je dis les tradis, c'est pas péjoratif, c'est en réalité c'est les cathos du milieu. Les cathos du milieu d'ici. Oui, bien sûr, oui. Ils me font penser à des remplaçants dans une équipe de foot. C'est-à-dire, en fait, le remplaçant qui te dit, ouais, mais tu vois, en fait, on joue en 4-3-3 et on va gagner. Et le problème, mec, c'est que t'es remplaçant, t'es pas entraîneur. Et l'entraîneur, il joue en 4-4-2, tu vois. C'est-à-dire que à la limite, tu ouvres ta bouche une fois que t'arrives à être sélectionneur. Et la question que je pose à tous les cathos tradis qui passent sur le plateau de Vive l'Europe, je leur dis, mais alors, les mecs, quel est le plan? Quel est le plan pour battre l'église conciliaire? Et là, tout à coup, Dieu, un jour, il va dire oui, faites-le, voilà. L'Hivernette m'a quand même dit, j'ai du respect humain pour lui, c'est quelqu'un, une personne très charmante, mais en fait, ce qu'il m'a dit l'Hivernette, c'est en gros, son espoir à lui, c'est que le pape retrouve la raison. C'est ça le plus gros espoir des catholiques, en fait. C'est que le pape, un jour, dise... Ah, en fait, Dieu m'a parlé hier soir alors que j'étais en train de m'endormir. Ah, finalement. Et finalement, ah merde, en fait, l'immigration, c'est de la merde. Ah merde, les gars, putain, désolé, ça fait 70 ans que je me plante. Et donc, en fait, c'est ça, il n'y a aucun désir. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction. Et pour ça, il faut connaître la théologie catholique, que moi, je connais un peu parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment voulu être là-dedans. C'est qu'en fait, pour eux, l'idée de se rebeller contre l'Église est insupportable. C'est-à-dire qu'ils la critiquent, ils disent c'est pas l'Église, c'est l'Église conciliaire, c'est pas l'Église que j'aime moi. Mais sauf quand tu leur dis bah alors, tu vas leur niquer leur mère ou pas? Non, parce que hors de l'église, point de salut. Et ben, en fait, les gars, vous n'avez pas de stratégie, en fait, quoi. Donc, tu vois, c'est encore une fois, dans tous les domaines, il faut prendre la réalité telle qu'elle est. Moi, je vois, pour avoir une incidence politique, il faut voir ce que pensent les gens, tu vois. Et moi, je discute beaucoup avec les gens. Je vais aux terrasses des cafés. Je continue de faire des soirées avec des gauchistes, tu vois. Il y a certaines choses dans le logiciel national que les gens peuvent accepter. Ce que j'ai dit à Soral, je suis désolé, n'est que l'expression de ce que pensent les Français au fond d'eux. Les Français en ont assez soupé de l'immigration et ils en ont marre des Maghrébins. Ils ne veulent plus en entendre parler. Ces histoires de voile, d'attentats, de machin, il y en a ras le cul, tu vois. Et donc, ça, c'est un discours qui peut nous permettre de fédérer, tu vois. Mais ce discours de réenracinement spirituel, etc., alors que la plupart des gens sont incroyants, c'est une réalité. Si tu fais un sondage, les Français ne croient plus. Mais il faut prendre cette réalité en compte parce que ce n'est pas parce qu'une personne ne croit pas qu'elle n'a pas de morale. Ben regarde, moi je te le dis, malheureusement je n'ai pas la foi parce que c'est une vraie consolation d'avoir la foi et je ne suis pas quelqu'un d'immoral. Et la plupart des Français sont comme ça en fait, quoi. Il y a une diabolisation des personnes qui se sont éloignées d'une spiritualité en disant c'est de votre faute. Tu sais, avec ces histoires à la con, genre la nature a horreur du vide, etc. Oui. C'est ridicule. Oui, dans les pays européens où il n'y a pas de musulmans, ils s'en sortent très bien. C'est juste des politiques qui, à un moment donné, disent oui ou non à l'immigration. C'est tout, quoi. Et pour en finir, ce logiciel 1789, ce que j'appelle les Gogol 89, à travers un personnage, bien sûr, dans le livre, c'est que, en fait, c'est un logiciel qui est bête politiquement parce qu'il est franco-français. Il est franco-centré. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la France, la France, c'est le monde. Et le reste, on s'en fiche, en fait. Il n'y a que la France qui est attaquée. Mais c'est l'entièreté du monde occidental qui a à affronter la problématique migratoire. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là que ça se joue. Ça ne se joue pas à un niveau de mystique. Ça ne se joue pas à un niveau... je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a coupé la tête de Louis XVI qu'il y a des Éthiopiens en Suède. Enfin, quand même. Je veux dire, à un moment donné, stop, quoi. En fait, je voudrais vraiment arrêter avec l'irrationalité. On est et les gens ne comprennent pas, mais ils disent, mais putain, on dit quand même plein de vérités et tout, pourquoi on ne séduit pas les gens? Mais parce que ce n'est pas séduisant d'être irrationnel, les gens nous prennent pour des fous. Moi, je te dis parce que je fréquente toujours les non-dissidents, je les fréquente. Alors moi, ils me disent, oh, t'exagères quand même sur les races et tout, machin, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, il y a un tabou antiraciste. Mais je peux t'assurer que... Oui, mais ça, c'est normal. Oui, mais tu fais une soirée alcoolisée avec n'importe quel blanc. Moi, je veux dire, écoute, franchement, maintenant, il y a des lunettes enregistreuses. Je te ferai des soirées de gauchistes. Tu leur mets trois coups dans le nez. Tu leur dis, mais finalement, les Noirs, les Arabes, t'as pas envie de vivre avec eux. C'est pour ça que tu vas pas en banlieue. Ouais, c'est vrai, mais ça se dit pas, nanani. Mais tout le monde le pense, tu vois, quoi. Alors que, de diaboliser la République en disant, non, c'est de la merde, on va revenir à l'ancien régime. En fait, quand t'étais pauvre toute ta vie, c'était génial. Non, mais ça correspond pas à ce dont on a besoin, tu vois. Ouais, non, mais toi, je sais que t'es pas sur cette ligne-là, mais je savais pas, t'as vraiment changé sur cette affaire sur le catholicisme. Le catholicisme. Oui, la réalité. Je l'avais remarqué dans ton livre, tu vois, donc, comme quoi. Alors que le personnage, en fait, le personnage me ressemble quand même sur la dimension spirituelle, c'est-à-dire que c'est un catholique de tradition et il veut revenir à ça. Et d'ailleurs, il est toujours catholique à la fin de l'ouvrage. Oui, il est catholique. Moi, je me sens de culture catholique, mais ce que je n'aime pas, c'est le mensonge à soi. Tu vois. Et quand j'ai réalisé que je faisais un mensonge à moi-même, c'est-à-dire que je me prétendais catholique alors qu'en fait, je ne l'étais pas. Tu vois. Parce que, évidemment, je suis catholique de tradition et je ne vais jamais cracher sur les églises, enfin, toute la beauté. Et puis, on pourrait parler aussi, bon, on ne va pas faire une thématique spéciale catholicisme, on pourrait parler aussi de la valeur morale du catholicisme. Attention, quand il y a eu les. Non, mais qui a influé sur la culture, on ne peut pas le nier. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de faire un pamphlet. Hein. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est celui de l'Amérique latine. Pourquoi les Américains, les Amérindiens sont aussi croyants? C'est parce que, en fait, le catholicisme a sauvé leur peau, quoi. Parce qu'ils avaient des religions dingos, tu sais, où il y avait 20 000 sacrifices humains par an, et d'un coup, tu as les Espagnols qui sont arrivés qui ont dit « Non, mais il y a un mec qui s'appelle Jésus, il s'est sacrifié pour toi, donc tout ça, c'est useless, c'est pas la peine. » Et on dit « Ah, d'accord, merci Jésus !» Donc les mecs, en fait, c'est presque une mémoire génétique. Maintenant, ils ont un catholicisme, tu vois, donc il y a eu une valeur structurante sur le plan moral du catholicisme, c'est une évidence. Mais je dis juste qu'il faut vivre avec son temps, et il ne faut pas traiter de décadent les personnes qui ne croient pas, parce que tout simplement, la présence de Dieu sur Terre, l'intervention de Dieu sur Terre n'est pas visible et la technologie semble en fait réduire un peu cette hypothèse à néant, quoi. C'est-à-dire que là, on en arrive maintenant à une époque où on peut recréer l'humain avec la GPA, l'intelligence artificielle, etc. Qu'on soit pour ou contre, tout ça, pose des questions, en fait, quoi. Oui, parce que toi, tu es plutôt aussi pro-transhumanisme. Alors, non. Non, tu t'es exprimé un peu, j'ai vu sur Internet. Alors, au sein de Suavelos, on a des gens... moi, franchement, le transhumanisme, il y a 2-3 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et justement, j'ai rencontré Hassan et Geoffrey qui m'en ont parlé. Alors, contrairement à ce que tu pourrais croire, moi, je ne suis pas heureux à l'idée du transhumanisme. Parce que au bout du transhumanisme, il y a, bon, c'est une autre émission, quoi, mais au bout du transhumanisme, il y a la disparition de l'humain, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, tu remplaces un bras, après tu remplaces une épaule, après il ne reste plus rien, quoi, tu vois. Après, c'est une société de robots, donc. Mais ce que je dis, c'est que le progrès est instoppable. Donc, il y a deux façons de réagir à ça. À l'arrivée du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Soit tu te dis « Ah non, je refuse, je ne veux pas, je veux rester où j'en suis. » Et là, quel est le risque? Le risque, c'est que les autres peuples, eux, n'arrêtent pas. Non. Parce que je peux t'assurer que si l'Europe ne se met pas au diapason sur l'intelligence artificielle et sur le transhumanisme, les Américains, ils ne vont pas arrêter. Hein. Et les Chinois non plus. Les Chinois, encore moins. Alors les Chinois, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la question ne se pose pas. Tu vois, on n'a pas le choix. Encore une fois, on revient. Comme la guerre civile. Est-ce que tu veux ou pas la guerre civile? Ben non, banane. J'ai pas envie de la guerre civile. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de te tuer. Mais en fait, la situation ne me laisse pas le choix. Je veux dire, ce qui est certain, c'est que par rapport à. Je reviens à la guerre civile, ça me fait penser à ça. C'est que si elle se présente, je vais pas la refuser parce que c'est immoral de faire la guerre civile. Parce qu'à un moment donné, les attentats, si ça arrive tous les jours, excuse-moi, mais si tu te mets pas en mode guerre civile, tu te fais juste latter la gueule. Tu vois quoi? Bon, bref. Mais c'est pareil, en fait, c'est le même processus. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde concurrentiel, on l'a toujours été. Ça a toujours été le cas. Sauf que maintenant, on a des puissances comme la Chine qui sont capables, objectivement, de nous dépasser à un moment donné. Surtout qu'eux ne se posent aucune question morale. Tu sais, dans les universités, en Chine, la raciologie, ça existe. Hein. La raciologie, l'étude des races, à l'université. Voilà quoi. Girassène, il peut prétendre à un poste s'il veut, il peut passer un concours là-bas quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil pour le transhumanisme. Honnêtement, je ne suis ni pour ni contre. Et cela m'effraie. Cela m'effraie énormément. Je suis plutôt quelqu'un qui a une sensibilité artistique. Je suis un poète dans l'âme, tu sais. L'idée d'un monde de robots ne m'excite pas. Mais c'est ce qui arrive. Donc, si tu veux, je te dis, il y a une marge de l'histoire et on est obligé de prendre ce train de l'histoire. Sinon, on va avoir un train de retard. Et alors, imagine, si on se refuse à la technologie et aux avancées technologiques et en plus, on prend des immigrés comme ça sur le dos. C'est pas eux qui, excuse-moi, l'idée des futures montagnes, moi j'y crois pas trop. Là, c'est un cauchemar. Ils ont tous lu Victor Hugo, t'exagères. Ouais, c'est vrai. On devrait leur faire un test, d'ailleurs, s'ils sont aussi. Attends, c'est le minimum. Mais qu'est-ce que ça t'inspire, par exemple, avant que je commence à prendre quelques questions du public, parce que là, il y a pas mal de questions. Oui. Par exemple, tu sais, je regardais hier, je relayais un article, c'était à Mayotte, où les habitants, je ne sais pas si tu es au courant de la situation dans l'île. Oui, pas vraiment. En fait, en gros, c'est une île qui est un département français et qui est submergée par une immigration massive venue des autres îles. Oui. Et donc, les gens n'en peuvent plus parce qu'il y a des agressions tous les jours, etc. Enfin, tous les méfaits fois 10 par rapport même à ce qu'on peut connaître, puisque quasiment 100% des habitants sont fait agresser. Hein. D'accord. Ça te montre un peu la dimension du problème. Oui. Et comme, évidemment, ils n'arrivent pas à régler le problème, ils ont décidé hier, ils commencent à régler le problème eux-mêmes. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils appellent des décasages et ils virent les immigrés clandestins eux-mêmes. Oui. Ils brûlent leur maison. Ils les prennent et ils les ramènent à la gendarmerie. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu crois que ça t'inspire comme méthode? Mais parce que ils peuvent faire ça à Mayotte. Alors donc, quand je pense à ça, c'est parce que je me suis dit, attention, les Mahorais revendiquent la France. Hein. Ils sont absolument francophiles. Ils défilent avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et tout. Ils veulent justement, ils disent, on est français. Il faut savoir qu'historiquement, c'est les seules îles des Comores qui ont demandé à rester français, alors que les autres ont demandé à être indépendants. Et aujourd'hui, c'est les indépendants qui viennent envahir leur île et ils disent, mais non, les mecs, vous avez voulu être indépendants, ne faites pas chier. Ouais. Et en fait, là, on est face à un problème qui est quand même intéressant, puisque ce sont les mêmes communautés, sauf qu'une a été assimilée à la France, culturellement, même ils sont restés musulmans en plus, mais ils sont complètement culturellement français, et ces autres communautés qui, pour le coup, inassimilables. Et ils les virent, mais vraiment... D'accord, mais je ne comprends pas ta question. Ma question, c'est est-ce que tu penses que ça, c'est possible en France? Mais alors, c'est difficilement possible à plus d'un titre. Le premier, c'est qu'il est évident que c'est aux Blancs qu'on empêche de réagir violemment. Tu vois, quand moi je m'exprime et qu'on me dit que tu appelles à la guerre civile, c'est parce que moi je le fais parce que je porte l'étendard en fait du nationalisme blanc. En réalité, En fait, on n'empêche à aucun autre peuple que le peuple blanc de se rebeller en cas de submersion. Tu comprends? Donc, ce serait beaucoup plus difficile parce qu'il y a cette charge depuis 1945. En fait, il y a vraiment cette idée que la violence est illégitime dans tous les cas pour un blanc. Un blanc ne peut pas user de violence. C'est-à-dire que même s'il se défend, hop, on va dire hop. Et on le voit même jusque dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cas absolument dingues où des mecs, des buralistes se font attaquer, ils ripostent, ils tuent le mec par accident. La légitime défense n'est pas reconnue. Mais tu vois, en fait, à l'échelle collective, c'est la même chose. Oui, on n'octroie pas au droit. Mais ça, c'est le gauchisme. Mmh. Et en fait, ce sont les gouvernements qui laissent en place ces lois-là pour que l'immigration poursuive, continue, fasse son chemin et que finalement, les Blancs, petit à petit, se laissent submerger. Mais parce que c'est quoi? Alors, c'est le péché originel de la Seconde Guerre mondiale qui dit que, en fait, un régime blanc qui s'affirme par une identité raciale, ça finit par donner le régime nazi. Quoi, dans la tête des gens, effectivement, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, il faut voir la propagande qu'on fait. Tous les jours, si tu veux chercher, on se met sur le câble tout à l'heure, on va trouver un reportage sur Hitler. Hein. Oui, je crois dès qu'une personne, en fait, c'est une lutte entre ce que Delesquin appelle le cosmopolitisme, et je trouve encore que c'est un mot trop gentil, c'est en fait la volonté d'invasion, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, les gauchistes ou les antifas veulent crever sous un immense stade africain. C'est leur eschatologie, quelque part, tu vois. Bon, dès que tu as un mec qui est contre ça, comme Trump ou Orban, on va le traiter de fasciste. Et on aura toujours affaire à cela. C'est pour ça que c'est assez difficile, ta question. Je ne sais pas trop quoi te répondre. Déjà, premièrement, il y a une autocensure. Bon, c'est un peu provocant, je fais exprès. Non, mais c'est bien. Il y a une autocensure des gens. Ouais. Et si, de toute façon, ils agissaient, il y aurait une forte résistance. Enfin, je veux dire, il y aurait une forte répression policière, étatique. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a tout simplement des peuples qui ont une cohésion et qui ont l'habitude de se défendre en groupe. La semaine dernière, vous citiez le cas de la Corse, en disant que les Corses, évidemment, ne se laissent pas faire. D'ailleurs, bizarrement, il n'y a pas d'attentat en Corse. Hein? Bon. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, la Corse est un pays monoethnique, tu sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de la communauté et du communautarisme ne peut fonctionner que sur le sang. Et pourquoi c'est très difficile en France à le faire et que nous, on part à zéro à ce vélos? C'est que avant même l'immigration africaine, il y a eu une migration, après la guerre, il y a eu une migration européenne très forte, d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais, et à une vitesse considérable, parce que les mentalités évoluent plus lentement, malheureusement, que l'immigration, ce que j'ai dit dans le bouquin, et bien en fait, tout à coup, les Français ont perdu leur cohésion ethnique. C'est-à-dire que, ok, c'était des Blancs, mais quelque part, l'Italien, je ne le connais pas trop, le Polonais, c'est pareil, etc. Et donc, en fait, quand après, on a additionné à ça l'immigration africaine, eh bien, il n'y avait plus de cohésion dans le peuple français, tu vois. Et ça n'aurait pas été possible dans un pays entièrement monoethnique. Pourquoi la France est particulièrement, et je retombe sur mes pattes là pour le coup, pourquoi la France est particulièrement dans la merde, c'est que comme elle est un peu un carrefour, ne serait-ce que géographique de l'Europe, il n'y a pas une unité raciale, même, je dirais, entre peuples blancs. À l'intérieur de la France. Voilà. Et c'est ce qui fait que, par exemple, on voit qu'alors que les Italiens, en quantité, ont quand même beaucoup moins d'immigrés que les Français, alors ils ont pris la vague en 2015. Donc voilà. Mais les Italiens ont tout de suite réagi électoralement. Parce que, si tu veux, c'est comme un produit de contraste. T'es jaune, c'est vert, c'est différent. Oula, tu me mets 500 000 verts dans la gueule. Ah non, mais je ne suis pas d'accord. Attends, nous, les jaunes, on n'est pas d'accord, tu vois. Bon, en France, il n'y a pas eu cette. Tu vois, il n'y a pas eu ce front. Parce que bah, y a un travail de sape énorme de la part des gouvernements, de la part des lobbies d'une certaine communauté, la propagande du cinéma, etc. Et voilà, quand un peuple perd sa cohésion ethnique, c'est très difficile après pour lui de se relever et de trouver un projet qui puisse le mouvoir. Mais parce que aussi, dans le logiciel français, la race, elle est loin. Elle est pas, moi, je ne trouve pas qu'elle soit partie intégrante de ce logiciel. C'est vrai, tout à fait, mais c'est pour ça que certains... Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'à la limite, le mot nationaliste, je l'accepte, je ne le refuse pas. Mais moi, je me vois plus comme un occidentaliste. Je suis un occidentaliste, d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Yves Le Gallou qui parlait de ça. Finalement, il disait « je suis un occidentaliste de langue française ». En fait, c'est comme ça que je me vois moi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a le milieu patriote et il y a le milieu nationaliste racial. D'accord ? Et chez les racialistes, l'idée que la France, par exemple, je parle de la France en tant qu'entité, puisse être un poison pour le reste de l'Europe, c'est une idée qui circule. Hein. C'est-à-dire que l'idée que le logiciel universaliste est un danger pour l'Occident entier, ça, c'est une idée qui circule dans les milieux racialistes. Et je ne suis pas loin d'être d'accord avec cela. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un grave problème. Mais ça peut changer. Les doctrines peuvent évoluer en fonction de la réalité d'une époque. Donc effectivement, à l'échelle de l'histoire, il n'y a pas eu ce problème-là. Il y a eu cette volonté très française. Bah, d'ailleurs, on le voit, il y a deux façons de coloniser. À l'anglo-saxonne et à la française. Alors, on peut dire que c'est une question d'humanité. Peut-être que les Français sont simplement plus humains. Mais le Français, quand il colonise, eh ben, il veut apporter son savoir. Il veut que le noir, il parle français. Bah, c'est un universaliste. C'est un universaliste. Il dit, mais finalement... Et ce qui est fou, c'est que tu ne crois pas s'y venir parce que justement, même dans le milieu dissident, tu prends, allez, prenons un mec comme Marc Georges. Et Marc Georges est totalement là-dedans. Il est dans l'idée d'une espèce de fascisme interracial qui est possible. C'est-à-dire, en gros, ces noirs et ces maghrébins, on va les faire aimer la France au forceps. Voilà, parce que la France, c'est qu'une idée. Et si tu veux, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans le milieu dissident quand j'ai écouté Manuel Valls et j'ai écouté Soral, Marc Georges, ou même des mecs comme, comment s'appelle-t-il, Roger Olyndre. Mm-hmm. Et je me suis dit, finalement, ils disent la même chose. C'est que la France est une idée. C'est ça, en fait. Alors que Manuel Valls va dire c'est les valeurs républicaines, et eux vont dire c'est les valeurs patriotiques. Nanani. Mais je veux dire, si tu n'introduis pas l'identité, le racisme, en fait, dans ce logiciel-là, tu feras le tour du monde 10 fois et tu en reviendras à l'idée que la France n'est qu'une idée. Non, mais regarde, par exemple, ce que tu viens de dire, ces gens-là, s'ils en viennent, ils partent de ce principe, la France est une idée, je pense que, est-ce que ce n'est pas du fait que, toi, ce que tu dis, c'est vraiment un discours qui est la réflexion, on va dire, de ce qui se passe actuellement. Mais l'essence même de la situation de toute l'histoire, il n'y avait pas besoin, en fait, de ce racialisme. Je suis d'accord sur le constat. Mais voire même, la France a démontré que l'assimilation fonctionnait à un certain moment. Oui, mais encore une fois, je veux dire, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre la question des proportions, quoi. Mais oui, c'est la proportion. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que dans les discours, c'est comme la première fois que je suis venu sur ce plateau, je te dis, on parle de généralité. Mm-hmm. Je veux dire, quand on parle de remigration, si on me dit qu'il va rester 10 000 noirs en France, ça n'a aucune importance. Mm-hmm. Ça n'a aucune importance parce que même ceux qui ne sont pas assimilés, eh ben en fait, on les marave parce qu'ils sont plus que 10 000. Le principe de l'assimilation, évidemment qu'à l'échelle individuelle, il fonctionne. Mais déjà, il fonctionne plus ou moins en fonction, on va dire, des peuples. Tu vois, bon, par exemple, le peuple musulman, arabo-musulman, est très réfractaire parce qu'il a une culture forte qu'il veut imposer partout où il va. D'ailleurs, c'est tout à leur honneur, hein, ils maintiennent leur culture. Voilà, les Chinois, ils font pas de bruit. Mais quand ils sont en France, ils restent chinois, ils ne s'assimilent pas. Hein. Ils s'assimilent très peu. Mais donc... Ils sont plus malins parce qu'ils prennent des prénoms en français. Oui, voilà. Il y a déjà un peu plus d'assimilation. Mais enfin, quand même, le chinois reste chinois. Mm-hmm. Il n'est pas rare des fois que même des fois, je vais dans un magasin. L'autre fois, je suis rentré dans un magasin de fringues chinoises. Le mec ne parlait pas français. Oui, je me dis, mais comment il va ouvrir une boutique? Ça arrive souvent. Bon, ça voilà. Arrive. Donc, l'assimilation fonctionne essentiellement entre Européens. Mm-hmm. Et lorsque des Noirs ou des Arabes se reconnaissent dans l'Occident, c'est toujours à la marge. S'il y avait 20 millions d'Assènes Occident, je ne serais pas un combattant, un militant politique. À la limite, je trouverais incongru qu'il y ait des Maghrébins. Mais c'est simple, s'il y avait 20 millions de Japonais par rapport à ma nature, moi je suis plutôt un contemplatif, je suis un artiste, j'aime la vie, j'aime bien bouffer. En fait, la politique est venue me chercher. Je ne suis pas venu à la politique tout seul. S'il y avait 20 millions de Japonais et pas 20 millions de musulmans, je ne dis pas qu'il n'y aurait aucun problème. Il y aurait un problème identitaire, il y aurait une incongruité. On se dirait, mais attends, c'est bizarre, je suis dans un village, il n'y a que des Japonais. Mais il n'y aurait pas d'insécurité, il n'y aurait pas de délinquance, tu comprends? Il y aurait, ces peuples-là vivraient en bonne intelligence. Et donc, en fait, je ne serais pas là sur ton plateau. Parce qu'en fait, je suis là parce que l'Occident mène un combat mortel contre des peuples qui sont des peuples de moindre valeur et des peuples sauvages qui n'ont pas atteint le même degré de civilisation. C'est ma théorie. Et on est tous d'accord là-dessus à Suavelos. Il faut bien comprendre. Les gens disent, on ne comprend pas trop le trait d'union entre Mercado, Assen, toi, etc. C'est très simple. On pense que les races existent. Alors, si vous n'aimez pas le mot race, vous appelez ça peuple, ça n'a aucune importance. Peuple, groupe ethnique, race, ce que vous voulez qui ne vous choque pas. Disons peuple. Il y a une hiérarchie entre les peuples. Certains n'ont pas atteint notre degré de civilisation et ne l'atteindront peut-être jamais. Il y a des différences intellectuelles entre les peuples. Je l'ai dit, je le maintiens. Et la cohabitation avec des peuples qui nous sont inférieurs et qui nous sont hostiles, est insupportable, immorale et dangereuse pour les peuples blancs. Et toi, tu penses que de toute façon, s'ils font rien, les blancs vont se faire bouffer? Mais c'est déjà le cas. C'est ce qui est en train de... Alors, d'une certaine manière, si on voit le monde... Bon, là, on est vraiment dans un optimisme, mais si on voit le monde blanc dans son entièreté, on pourrait dire que l'échec politique et anthropologique de la France dans sa capacité d'assimilation, c'est effectivement... En fait, ça va créer un précédent, tu vois. Et je le vois parce que, bon, moi, comme tu le sais, ma compagne est une femme d'Europe de l'Est. Et je le vois parce que j'ai des dialogues avec des nationalistes hongrois, polonais. Je ne parle pas de nationaliste français et qui s'apatrie là-bas. Je parle de vrai hongrois, vrai, etc. Et vrai roumain, vrai ukrainien. Et en fait, eux, ils regardent ça, si tu veux, j'allais dire avec du popcorn, non, parce qu'ils ont quand même une sensibilité, ils se disent merde, on en prend plein la gueule. Mais en fait, ça leur sert de leçon. Ils voient ça, ils voient l'Angleterre. Moi, ce qui m'a énormément choqué récemment, pour moi, là, on a franchi un cap. Des militants identitaires ont été interdits de territoire. Oui, en Angleterre. On n'a pas autorisé ce qu'ils ont au territoire en Angleterre parce qu'ils tenaient des propos islamophobes dans un autre pays. Dans un autre pays. Donc là, c'est concrètement. Je veux dire, là, pour le coup, ce n'est pas du complotisme, c'est un fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement choquant que des Européens ne puissent pas circuler dans leur propre continent. Et c'est la preuve que dans ces pays-là, l'islam est en train de gagner. C'est ça, la réalité. C'est le bouquin de Houellebecq. C'est le bouquin de Houellebecq. C'était pas de la politique fiction. C'était visionnaire. Allez, je vais prendre des petites questions du public au passage. Des petites questions. Des petites questions, comme de la vie. Ouais. Alors, bonsoir Daniel. Je comprends le besoin épidermique de retour à une conscience raciale au vu de la situation actuelle en Europe de l'Ouest. Oui. Mais est-ce bien viable politiquement? Ne prenons-nous pas le risque de nous couper des personnes de valeur quelque part? Mon ami, merci de penser à moi. Par exemple, ou encore notre ami Hassen. Sachant que la plupart des musulmans sont d'origine norvégienne et suédoise, faire front commun face à l'islam dans un premier temps n'est-il pas suffisant, plus simple et plus adapté? Ma réponse est oui sur la fin de la question. Moi, je suis pour un front anti-islam. Et en plus, ça peut brasser la gauche, la droite, etc. Une espèce d'ER anti-islam, ça, c'est tout à fait possible. Mais en fait, la question est mal posée. Parce qu'il me dit, est-ce que politiquement, c'est viable? Je te l'ai dit, non. Oui, mais c'est au début. Il a posé avant que tu répondes. Hein. D'accord. Autant pour lui. Hein. Il a posé avant que tu répondes. Encore une fois, il faut bien distinguer l'horizon idéologique. Tu vois, par exemple, le projet juif talmudique, c'est quoi? C'est la domination du monde et faire de Jérusalem la capitale du monde. D'accord. C'est ça, le nouvel ordre mondial. Oui, voilà. Le projet des occidentalistes, des nationalistes blancs comme moi, c'est une Europe blanche, entièrement blanche. Mais c'est un horizon, d'accord? Ça, quelque part, c'est la foi. C'est ce qu'on poursuit, c'est l'objectif qu'on poursuit. Et l'idée, c'est de s'en rapprocher au maximum. Après, il y a comment on fait politiquement pour y parvenir. Et ça, c'est une autre question. Et là, je suis prêt au pragmatisme. Là, il faut être pragmatique. Je veux dire, Si tu intensifies les lois contre la délinquance, si tu mets 30 ans de tôle ferme à un mec qui viole, si tu remigres immédiatement à un mec qui n'a pas la nationalité française et qui fait n'importe quoi sur le territoire, je veux dire, si tu fais déjà, tu prends déjà toutes ces lois, en gros, que tu mets une politique de droite, que tu appliques simplement les lois, ben, en fait, tu vas déjà dans le sens du nationalisme blanc, tu vois. Donc, encore une fois, là, moi, je parle de mon projet intellectuel, de ma doctrine, de ma vision du monde, tu vois, presque de ma religion, qui est vraiment cette idée d'un empire et d'une Europe blanche. Après, il y a comment faire politiquement. Et déjà, en fait, stopper l'immigration, enclencher un processus de remigration déjà avec... Parce que c'est vrai que se pose la question, mais comment on fait que les mecs assimilés? Mais ne vous posez pas les questions à l'envers. Parlons déjà des mecs qui ne sont pas assimilés. C'est la majorité des gens. C'est-à-dire, en fait, dire à un mec, voilà, choisir la nationalité, c'est très bien, ça. Mais ils vont choisir la nationalité française, ils sont pas cons. Hein. Ah, c'est pas sûr, ça. Ça, j'en suis pas si sûr. Ah, parce qu'il y a la fierté. Tu sais, l'humain a beaucoup d'ego. J'aimerais te croire. J'aimerais te croire, et tant mieux, quelque part. Hein. Tu leur dis, ah, vous choisissez le Maroc, bah, vous dégagez au Maroc. Tu vois. Après, ça se jouera au niveau de la délinquance. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pratiquer. Mais c'est ce que fait Trump. En fait, à son échelle, Trump est un nationaliste blanc et il fait tout ce qu'il peut dans un monde où les conventions de Genève existent pour faire éclore cette idée-là. Cette idée où, en fait, les WASP sont toujours les maîtres de l'Amérique, tu vois. Mais en fait, si moi j'étais au pouvoir ou si Henri Lesquin était au pouvoir, c'est exactement ce qu'on ferait. Tu t'adaptes, encore une fois, tu t'adaptes à l'époque. Tu vas pas arriver, tu vas pas comment dire, la race blanche, bien sûr que non. Mais en fin de compte, tout ça, tu magouilles, la politique, c'est ça, en fait. Tu fais des lois qui servent les blancs, même si officiellement, sur le papier, elles ne sont pas racistes. Tu prends Viktor Orban. Jamais Orban va te dire... Alors, il y a quand même des discours pour dire... Il y a l'Occident est menacé, ça ok, d'accord. Mais on parle de l'islamisation. Moins sur le concept mais racial. Parce que l'Europe de l'Est a une autre histoire. Je peux t'assurer que les Ottomans, ils s'en rappellent encore. Des endroits totalement détruits là-bas, donc ils s'en souviennent encore. Mais jamais Orban va te dire en fait, nous sommes un dernier bastion pour la race blanche et nous invitons tous les blancs à nous rejoindre. Il va pas dire ça, mais il va faire un mur. Et il va faire un mur et les migrants peuvent pas passer. Il va faire une police qui est une vraie police, tu vois. Ou quand en fait un Afghan il fait une connerie, il se fait éclater la gueule, tu vois quoi. Moi c'est des choses que j'ai vues en Ukraine par exemple, tu vois. c'est que officiellement le pouvoir ukrainien n'est pas raciste. Bon voilà, après moi j'ai assisté à une scène où un noir s'est fait exploser la tronche sans raison dans un bar, avec toute la comment dirais-je, une acceptation du reste du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'était un black qui draguait une nana ukrainienne, ça n'a pas plu à un ukrainien. Il est allé voir le patron du bar, il lui a dit « Ouais, ce mec, il fait chier ». Ils l'ont dégagé et tout le monde était d'accord, tu vois. Encore une fois, tout est une question de volonté, effectivement. Donc, le peuple français n'est pas raciste dans son logiciel, mais au fur et à mesure, il va le devenir de plus en plus, tu vois. Et pour faire aboutir cette vision du monde, tu n'as pas à exposer ton projet. Tous les projets sont cachés, tu vois. En général, les projets, on va dire, qui sont dangereux pour d'autres peuples, tu les caches, tu vois. Donc, en fait, bien sûr, il n'est pas question... Moi, je suis pas je fais de la métapolitique, je ne fais pas de la politique. Si je faisais de la politique, j'aurais un discours plus modéré. Je ferais attention à ce que je dis. Et surtout, je focaliserai sur les lois qui permettent peu à peu à ce monde d'éclore. Un monde, en fait, où l'immigration est rejetée aux frontières de l'Europe, tu vois. Donc, bien sûr, pour répondre à la question, effectivement, oui, on ne peut pas tel quel vendre un discours racial pour gagner les élections. On n'arrive même pas à gagner les élections avec Marine Le Pen, qui a un discours assimilationniste, que d'aucuns qualifient de gauche, etc. Donc, évidemment, c'est politiquement, c'est très difficile. Alors, on me dit « Bonsoir Daniel, je ne suis pas d'accord sur le fait que le réalisme racial ne vaincra pas lors de ce siècle. Au contraire, d'accord. Je pense que ce siècle sera racial pour les Blancs. Il faut qu'on gagne. » Question, connais-tu le concept d'ethno-État reprenant... Oui, lui, c'est Ayatollah. Hein, je d'accord. Précise. C'est moi qui vais trouver son nom. Et reprenant 3-5 États, 95% des Blancs des USA ont bien une terre en dehors des USA, avancée par Richard Spencer et maintenant par toute l'alt-right anglo-saxonne qui a débattu profondément développé depuis plusieurs mois sur tous les lives des droites dissidentes internationales. Quelle est la question? C'était ça sa question, mais ce n'est pas une. Ouais, voilà. Une remarque. Si tu voilà, c'est ça. Il croit que c'est une question, mais ce n'est pas vraiment une question. Pour répondre brièvement, l'ethno-État, ça peut être effectivement une solution. C'est juste que moi, nous, on est au début du communautarisme. Mm-hmm. Je ne vais pas commencer à te parler d'ethno-État. Il y a 2000 membres sur Chavelos, mais enfin, on va y aller tout doucement, tu vois. Mais c'est un horizon, effectivement. Si la remigration est impossible, que les Français ne la votent pas et que voilà, l'Europe de l'Ouest sombre. La solution bis, le plan B, c'est quoi? C'est la sectorisation du territoire, qui d'ailleurs se fait de manière naturelle. C'est-à-dire que les musulmans vivent entre eux, il y a le white flight, les blancs se cassent des endroits où il y a des noirs et des musulmans. Donc déjà, il y a cette sectorisation-là. Mais après, il faut la valider administrativement. Et c'est ça l'ethno-État. Et donc ça, il est probable qu'en Europe de l'Ouest, il y aura une volonté des gens qui ont fait sécession de créer un État. Après, est-ce que c'est légitime ou pas? Moi, je préfère l'idée de la Grande Europe. La Grande Europe, je dis, je suis plus sur la ligne de Renaud Camus là-dessus. Je pense que les occidentalistes et les gens qui veulent sauver l'Europe de l'immigration à travers tous les pays doivent s'unir parce que ça ne marchera pas s'il n'y a pas une politique européenne globale, tu vois. Mais en tant que solution de survie, c'est possible, comme les Juifs ont fait avec Israël. C'est ça le principe de l'ethno-État, en fait. Un principe basé oui, sur bah, c'est... du sang. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la même chose. Ouais. Les Juifs, c'est un ethno-État. Tout à fait, ouais. Mais encore une fois, c'est. Si tu veux, pour en revenir à cette histoire de sionisme, déjà le mot est impropre. On parle de sionisme, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là en fait? À la limite, on parle de mondialisme, d'accord. Mais le sionisme, c'est la volonté du peuple juif d'avoir un pays. Ils l'ont, c'est Israël. D'accord. Donc pourquoi ramener toute la politique à ça? Tout ce qui est fait en France ne l'est pas fait en fonction d'Israël. C'est une dinguerie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais. Ce que je trouve quand même dingue dans le milieu dissident, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas, d'un côté dire aux Juifs, vous êtes un peuple nomade, vous enracinez nulle part, c'est putain, mais où que vous soyez, alors vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas italien, on ne sait pas trop ce que vous êtes, et ils font un pays, et on leur dit, mais putain, vous avez votre pays, pourquoi vous avez ce pays, etc. Donc je veux dire, à un moment donné, il faudra se mettre d'accord. La question du sionisme ne doit pas nous concerner. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à obtenir ce pays. Les Arabes vont-ils réussir à le reprendre? Tu sais, c'est comme le sketch d'Inconnu. Cela ne nous regarde pas, tu vois. Et quelque part, en fait, ça les concerne. Si les pays arabes n'arrivent pas à s'unir pour lutter contre Israël, j'y peux rien, quoi. Tu vois, c'est... Mais effectivement, c'est... D'ailleurs, dans un bouquin, je conseille, qui est « Bâtir le foyer blanc », Ah oui, Arthur Kemp, Arthur Kemp. Évidemment, il prend l'exemple du sionisme, d'Israël. Mmh. Il y a plein d'idiots qui ont dit, ah ouais, ben voilà, ça montre que racialiste égale sioniste. Mmh. Non, pas du tout. Il a dit que ce schéma était reproductible pour nous. C'est ça que ça veut dire. C'est comme quand je te dis que les musulmans ont un très bon système communautaire. C'est pas que je suis islamolâtre, c'est qu'en fait, il faut les copier là-dessus, tu vois quoi. Bon, ben c'est pareil, c'est un modèle, la construction d'Israël est un modèle, c'est-à-dire qu'ils y sont allés à feu doux, ils ont commencé à acheter des immeubles, etc. Après, ils se donnaient des boulots entre eux, ils ont accepté, peut-être pour la première fois de leur histoire, que... parce que comment tu arrives à créer un ethno-État? Il faut accepter l'idée qu'il y ait, par exemple, un ethno-État blanc, qu'il y ait des blancs en bas de l'échelle sociale. Il y aura des blancs éboueurs, parce que si on n'accepte pas cette idée-là, il n'y a pas d'ethno-État, tu comprends? Et c'est pour ça que moi, bon, je ne sais pas si les mecs, on va dire, les aristos, les mecs de la droite aristo sont vraiment pour cette Europe blanche. Parce qu'en fait, je pense que ça leur va d'avoir des non-blancs, tu sais, qui nettoient leurs chiottes, ouais, tu vois. Ouais. Bon, mais c'est tellement important de rester entre nous. C'est tellement le paradis. Moi, j'ai connu je te dis, je suis allé en Lituanie, je suis resté 10 jours, je n'ai pas vu un seul non-blanc. Et j'ai compris qu'en fait, le seul problème... en réalité, de pays comme l'Italie, la France, l'Angleterre, c'est l'immigration, parce que ça crée une décohésion à tous les niveaux. Mmh. Je donne un exemple aussi que j'ai dit en vidéo. On ne montre jamais l'impact financier de l'immigration en termes de tourisme, par exemple. Il y a beaucoup moins de touristes étrangers qui viennent à Paris. Et d'ailleurs, qu'avant, depuis qu'il y a les attentats. Oui, oui, tout voilà. À fait, oui. Et même depuis qu'il y a de la délinquance. Tu sais, les Chinois, il y a le syndrome du Japonais. Le syndrome japonais, il oui. vient ici, il fait dépouiller, il ne comprend rien. Et le mec, il est terrorisé. Il se met en boule chez lui, tu vois. Il mange de nem et voilà, il se dit, voilà, je vais... Bon, il ne mange pas de nem, les Japonais, mais enfin, vous m'avez compris. Mais c'est drôle, les stéréotypes sont toujours drôles. Mais alors, je voulais citer un film, le dernier film de Clint Eastwood, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Ah. Là, le train, là... 15h20. Ah, qui reprend l'affaire du Thalys. Du l'attentat dans le Thalys. Mmh. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce film, c'est que c'est la première fois que je vois. Alors, moi, déjà, j'adorais le film, mais bon, ça, j'en parlerai sur ma chaîne YouTube, on s'en fiche. Mmh. Mais plusieurs fois dans le film, Clint Eastwood bâche Paris à travers ses personnages. Ces personnages, en fait, ils réfléchissent quel tour d'Europe ils vont faire. Alors, ils disent, ouais, Rome, ok, j'y vais. Berlin, peut-être. Paris, non. Hein. Paris, c'est non. Non, c'est plus que c'était, hein, tu vois. Et je me suis dit, mais ça y est, c'est arrivé en différé. Mais enfin, les Américains ont compris que Paris n'était plus Paris. Bah, tu c'est vois. La phrase de Trump qui reprend du film Casablanca. Exactement. Que Paris is not Paris. Exactement. Il a dit Paris pour Bruxelles. D'ailleurs, c'est la seule ville qui est peut-être pire que Paris, si c'est possible. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, en fait, au départ. Mais en gros, voilà, il y a... L'ethno-État, justement, et que le seul problème, c'était... Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que... Tous les autres problèmes sont accessoires et sont des espèces de ajustements. Mmh. Et pour terminer de répondre à cette question, qui d'ailleurs était une remarque, n'était pas une question, oui, mais on en est encore loin. C'est un horizon, l'ethno-État, mais on en est encore loin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Accepterais-tu de faire une émission en direct avec les soldats? Les soldats, c'est les soldats de la caserne, de ma caserne. Ah, bah, très bien, oui, bien sûr, aucun problème. Oui, aucun souci. Hein. Voilà, donc ils posent la question. Vous voyez, c'est eux qui pensent. Ça me fera taire un peu, parce que je suis très bavard. Pourquoi pas, avec les soldats. On a inauguré la formule avec Jean Robin, tu vois. D'accord, Et puis on en fera une qui est prévue avec Hassen, en plus. Ah, bah donc, super, ouais, parfait. Ouais, mais tu es le bienvenu. Pas de souci. Voilà. Alors, salut, j'ai une question. Oui. Comment peut-on penser que la franc-maçonnerie et le sionisme ne font pas partie des problèmes, alors que, sachant qu'ils provoquent les conséquences que tu dénonces, tous les présidents et presque tous les membres de gouvernement, présents ou passés, en font partie et mettent en place des lois pour permettre à tous de venir et de s'installer, sachant qu'ils n'auraient pas été à leur poste sans l'aval de leur obédience et par là même de rendre des comptes pour cette faveur offerte. À titre d'info, Israël va réinstaller une partie de ses migrants africains dans les pays occidentaux. Bah oui, parce que... Mais tout ça valide justement ce que je suis en train de dire. Et ce qui est incroyable, encore une fois, c'est comment on peut être conspi à ce point. Il y a des immigrés dans tous les pays blancs. Et tous les pays blancs ne sont pas vérolés par la franc-maçonnerie. Il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire qu'il y a un virus mental dans la tête des blancs qui est le gauchisme. Alors évidemment, il y a une élite. D'ailleurs, il emploie le mot sioniste. Pourquoi on emploie le mot sioniste? À la limite, tu veux dire une élite juive. Oui, parce que c'est, je veux dire, employons les vrais mots. Qu'il y a des intellectuels juifs et des politiciens qui prônent l'immigration, ça c'est une réalité. Je ne l'ai jamais nié, encore une fois. Je ne l'ai jamais nié. Mais en dernière intention... En dernière intention, les blancs sont décisionnaires, tu comprends? C'est-à-dire que moi, je refuse cette déculpabilisation des Occidentaux. Parce que finalement, c'est de ça dont il Ouais, s'agit. ouais, C'est ouais. de dire en gros, les francs-maçons, les sionistes, les juifs de l'espace, ils sont tellement forts qu'en fait, ils nous forcent à pas voter Front National. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une faiblesse intellectuelle, il y a une peur, il y a une fragilité. Et c'est la même chose pour les attentats. En fait, c'est le même processus à chaque fois. On te dit, par exemple, non, mais c'est pas l'islam, mais concrètement. C'est-à-dire que c'est pas genre, en gros, c'est des terroristes qui ont fait ça, mais moi, je suis un musulman modéré. C'est même pas ça, la dissidence. La dissidence orale, dont je pense que cette personne doit être un fan, c'est en fait de dire, ce n'est pas des musulmans qui ont fait le coup. Ça va loin, tu vois. Donc, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est déresponsabiliser les gens et dire, et mettre, tout ça te conduit finalement à l'impuissance. Tu te dis, il y a un ennemi qui est imbattable, c'est la franc-maçonnerie de l'espace intergalactique, et nous, on ne peut rien faire contre. Et encore une fois, c'est une position de confort intellectuel. Une fois que tu as pondu un petit commentaire comme ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai envie de dire à ce mec, est-ce que tu as voté Front National? Ok, si tu es blanc, est-ce que tu es pour l'arrêt de l'immigration? Est-ce que tu fais ce qu'il faut à ton petit niveau pour que le sang blanc continue d'exister sur les terres? Mais c'est pas. Sang blanc, c'est le peuple. Hein. C'est pour pas te faire génocider la gueule. Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour pas te faire génocider la gueule? Ah bah ça on pourrait lui Je veux poser la dire, question. excuse-moi, mais il part de la franc-maçonnerie. Déjà, il y a 50 millions de loges différentes. Ça dépend aussi à quel degré t'es. Quand t'es franc-maçon de troisième degré, tu sais même pas ce que tu branles. C'est comme un groupe, hein. C'est comme si tu faisais de la cuisine, quoi. Tu vois, c'est quand t'as des copains, voilà. Bon, mais tu te rends compte que ils ont réussi à dire que par rapport à l'attentat qui est à Carcassonne, ils ont dit en fait que le mec, parce que c'était un ancien franc-maçon, le flic, en fait c'était un crime rituel des francs-maçons. Et encore une fois, je suis désolé, j'insiste, hein, mais qui a mis ce poison dans la tête des dissidents? C'est ER. Voilà. Mais réfléchissez à l'absurdité de ce truc-là. C'est-à-dire, comment un truc peut être goupillé à ce point-là? C'est-à-dire qu'ils savent que le mec qui va aller sur place, c'est le franc-maçon. C'est l'ex-franc-maçon qui est devenu catholique. L'arabe, il est dans le coup. Parce que je suis désolé, il y a des témoins. Redouane, là. Alors, c'est lui qui était franc-maçon? Ou c'est un franc-maçon qui a fait croire que c'était Ren. Non, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, quoi. Il y a 50 000 témoins dans le. Il y a les vidéosurveillances, il y a 50 000 témoins. Et ça n'a aucun sens. Pourquoi faire un crime rituel franc-maçon au milieu d'un attentat? Je veux dire, s'ils veulent buter ce flic-là, ils vont le buter chez lui. Mais tout ça, encore une fois, c'est. Il y a plusieurs virus dans le milieu dissident et le complotisme en est l'un d'eux, tu vois. Et ce qui est insupportable, c'est que la conséquence du complotisme, c'est de déresponsabiliser les gens de leur acte. Tu vois? C'est-à-dire, on dit finalement, c'est pas les C'est musulmans. quelqu'un d'autre, Ben c'est ouais, ça et si c'est eux, ben en fait, ils ont été manipulés. Oh, les pauvres choux! Alors, il faudrait savoir, parce qu'en plus, encore une fois, c'est moi qui suis considéré comme un raciste qui méprise les gens. Mais moi, en fait, je considère que les peuples ont une volonté propre. Tu vois? Les Arabes ne sont pas des débiles mentaux. Quand ils font quelque chose, ils le font parce qu'ils le font. D'accord? Ils ne sont pas pilotés par le judaïsme international. Donc, stop. De toute façon, ce discours-là ne fonctionne plus que sur les dissidents. Tu sais que vous êtes sur une autre planète, les gars. La plupart des gens se méfient de l'islam. Ils ne se méfient pas des francs-maçons. Tu vois? C'est des conneries, encore une fois. Pour la simple raison que, encore une fois, j'insiste parce que. Tout ça nous ramène toujours à ce putain de logiciel 1789, tu vois. Où ils te disent, oui, mais franc-maçonnerie 1789, etc. Mais les gars, il a existé, mais des décennies entre 1789 et 1970, où il n'y a pas eu d'immigration massive. D'accord? Donc arrêtez de faire ce lien qui n'a pas lieu d'être. Encore une fois, c'est un mantra. C'est un mantra. C'est dire, en fait, oui, mais en fait, c'est les sionistes et les juifs qui les font venir. Non, il y a une acceptation par les peuples blancs. De cette réalité insupportable. Il y a une espèce de sidération. Alors effectivement, il y a un mouvement d'accompagnement à travers les films, le cinéma, la propagande, Mais etc. Mais tu as le droit de lutter. les hommes politiques aussi. Oui, mais tu as le droit de lutter. Et là, pour le coup, on pourrait citer les musulmans, mais j'allais dire positivement, mais la théorie du genre, ça passera jamais sur les musulmans. Parce qu'à la maison, on leur dit, tu sais, tout ça, c'est des conneries. Hein. Mais bon, tu sais, tu es à l'école, donc. Les plus intelligents des musulmans disent ferme ta gueule, tu vois. La plupart des musulmans, tous les musulmans que je connais sont révisionnistes. Mais je le tous, hein, tu vois. Ou s'ils sont pas révisionnistes, ils sont exterminationnistes. Genre en gros, il l'a fait, c'était chouette, tu vois. Bon, et ben en fait, en gros, ils disent à leurs gosses, beaucoup commencent à faire l'école à la maison, et ils expliquent à leurs gosses, quand tu es au bac, tu dis que Shoah, tu vois. En fait, tu vois, c'est le principe de la taqiya. Et la différence, c'est qu'effectivement, les blancs ne donnent plus une éducation orientée politiquement à leur jeunesse. Et c'est ce qui fait qu'en fait, finalement, après les gens s'autodéterminent et ils choisissent de ne pas choisir, en fait. Les blancs d'aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas qu'ils sont de droite ou de gauche, ils sont dépolitisés, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un drame politique, anthropologique de dingue. Ça, je le dis vraiment dans mon livre. Et le gros problème des Blancs, c'est qu'en fait, ils sont dans le divertissement. C'est-à-dire qu'ils se détournent de cette réalité et ils vont voir Spider-Man 12 au cinéma, quoi. Et ça, effectivement, c'est le plus gros problème. C'est la sidération des peuples blancs. Et puis en plus, est-ce que les Blancs, justement, ils n'ont pas un ennemi supplémentaire d'autres Blancs? Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, le gauchisme et ses formes les plus virulentes comme l'antifascisme, même par certains aspects, le véganisme, l'antispacisme, je n'en parle même pas. Effectivement, mais c'est... Comment dire il me semble que c'est... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Kevin MacDonald, qui est un auteur américain, qui en fait montre que les Blancs sont des gens très intelligents, et quand tu es intelligent, tu es sensible. La sensibilité t'engage à avoir de l'empathie envers l'autre, tu vois. Et donc, il y a une... En particulier, les peuples du Nord, comme les Scandinaves. Et en fait, quand ils voient arriver des gens, parce que je ne suis pas en train de te dire que les Syriens ou les Africains qui arrivent en Suède sont riches, hein. Ils arrivent, ils sont en bas de l'échelle sociale, d'accord. Bon, et ben quand les Blancs voient ça, il y a une empathie. C'est-à-dire que le Blanc va penser à l'autre avant de penser à lui-même. Mais en réalité, ce n'est pas un défaut. C'est ce qui a fait la grandeur de notre civilisation. Mais ce n'est un problème que parce que les politiques créent justement des politiques qui nous met face à cette immigration. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est dans un cercle vicieux, atroce, où on ne peut plus se détacher de ça. Par leur vote, moi, je te rends compte, avec Mercado, on rigole des fois parce qu'on voit des commentaires. Tu sais, on appelle ça... Enfin, c'est des mecs, en fait. Je ne sais pas, par exemple, il y a un attentat islamiste. On news, on dit qu'il y a eu un attentat islamiste. Et t'as un mec qui va mettre le commentaire le plus violent de l'histoire de l'humanité, quoi. Il va te mettre un truc que même moi, j'ai jamais conçu, quoi. Il va te dire « Putain, on devrait tous les brûler, nanani, truc de fou. » T'es pendant 20 lignes, t'es là, t'es « Wouh, putain, je vais modérer ce com, c'est la folie, quoi. Si on voit ça, la police vient chez moi demain, quoi. » Et à la fin, il te dit « Parce que si on fait pas ça, le Front National va passer. Et ça craint !» Et là, tu te dis « Mais putain, mais en fait, les mecs sont complètement mindfuckés, quoi. » C'est-à-dire que pour eux, le plus grave... C'est, tu vois, l'accès des fascistes au pouvoir, tu vois. Et si j'avais une solution à ça, je l'appliquerais. Tu vois, je ferais en sorte d'arrêter cette espèce de folie. Mais je n'ai pas de réponse à ça. C'est un mélange de propagande, c'est un mélange de haine de soi, de sensibilité poussée jusqu'à la folie. Tu sais, il y a l'expression « trop beau, trop bon, trop con ». Elle est vraie. Quand t'es trop gentil, moi je sais que parfois j'ai été trop gentil. C'est l'idée de Zemmour, les idées chrétiennes devenues folles. Ouais, mais là pour le coup, tu vois, je dirais pas que c'est le christianisme. Mm-hmm. Les Blancs sont comme ça. Mm-hmm. On se remet constamment en question, on se dit est-ce qu'on a bien fait. Encore une fois, c'est une générale, tu vas pas commencer à me dire oui, il y a des pédophiles blancs, évidemment, il y a des serial killers blancs, il y en a même des noirs et tout. D'ailleurs, je fais une digression très rapide. On dit que les serial killers sont essentiellement blancs. Alors, c'est vrai sans être vrai. Hein. Pourquoi? Parce que les serial killers qui durent sont des blancs. Parce que les blancs sont méthodiques, y compris dans l'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de tuer 60 personnes sans se faire gauler, tu vois. Mais il n'y a pas plus de... Et ça, Stéphane Bourgoin le montre dans ses bouquins. Hein. C'est juste que les blacks qui font des crimes en série, ils sont chopés au bout de deux fois. Tu vois quoi? C'est... Bon, bref. Mais... Même c'est... dans les crimes en série, ils sont vraiment... Quoi. C'est vraiment... Oui, mais oh, non, putain. Mais parce que... Non, mais je veux dire, c'est vraiment horrible. Bref, tout ça pour dire que c'est multifactoriel. Il y a une sidération. Si j'avais la formule magique, je te la donnerais. Je ne sais pas. Je pense que c'est une sensibilité poussée à l'extrême, mêlée à de la connerie, mêlée à un instinct grégaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très mal vu. Tu es exclu socialement quand tu votes Front National. Donc, ce que les gens ne peuvent pas dire, ils finissent par s'interdire de le penser. Et c'est pour ça que c'est très important que la liberté d'expression est encore courte sur Internet. Parce que ça permet à ces gens de penser ces choses-là. Mais ce que je te disais, oui, en fait, c'est pas très important, mais l'idée du trop beau, trop bon, trop con, chacun l'a expérimenté. En fait, la vie est un... Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai été de droite quand j'ai compris que dans la vie, il y a toujours un rapport de force. Et si tu n'as pas compris ça, tu es le baiser de l'histoire, tu vois. Mais tu peux garder ta moralité tout en comprenant que la vie est un combat. C'est toujours même dans le cadre d'un couple, tu vois. Chacun tire l'oreiller d'un côté et à un moment donné, il faut s'affirmer. Mais c'est la même chose à une échelle politique. Quand tu as affaire à des peuples comme ça, nous sommes contraints. Moi, tu vois bien, je suis quelqu'un de délicat, je suis pas violent, etc. Mais nous sommes contraints à la violence politique parce que sinon, le monde blanc n'y survivra pas. Allez, une autre question encore. Je prends les dernières, c'est oui, sur le chat en direct. Alors, on me dit, Daniel, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points et... Même ceux avec lesquels je ne le suis pas. Bon, ça, c'est... j'arrive. Un poète, un poète. C'est un poète. Je le connais. Alors, c'est un nazi musulman, hein, pour te. D'accord. Ah ouais, j'ai des amis bizarres. J'arrive néanmoins très facilement à les comprendre. Quand tu as parlé de l'idée de la nation française qui serait peut-être un schéma obsolète, il y a quelque chose derrière de réfléchi. Et alors, il te dit une grande Europe diluant la souveraineté des nations pour défendre un plus grand ensemble, mais sur quelle base, quel principe, quel système de gouvernement? Et puis, il faudra bien un hymne, un drapeau, quelque chose, etc. De quelle entité se réclamer, européen, français? Mais on s'en fout. Je veux dire, toutes ces questions n'ont aucune importance. Et tu sais, encore une fois, les gens se posent des questions à l'envers. C'est comme si en fait tu voulais être musicien et tu te demandais de quelle couleur sera ta pochette de ton album avant d'écrire tes morceaux. Tu vois quoi? D'abord, en fait, il faut stopper le robinet migratoire. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que le souverainisme a ses limites parce que ça n'a aucun sens d'être patriote français s'il n'y a plus de Français en France. Tu comprends? Parce que c'est pareil. Et quand j'écoutais la semaine dernière, quand j'écoutais l'émission avec Papacito, même d'autres, tu vois, c'est que si tu n'introduis pas un minimum l'idée de l'anthropologie. En fait, l'anthropologie, pour les gens qui ne connaissent pas le mot, c'est le mot gentil pour dire race. Okay, d'accord, les différences entre les humains sur la base de ce qu'ils sont, un niveau, voilà, ce qu'ils sont eux-mêmes. Je veux dire, pourquoi l'Occident a dominé le monde et le domine encore? Parce que les peuples blancs qui le composent ont atteint ce point civilisationnel. Pourquoi l'ont-elles atteint? Mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils sont des blancs. En fait, notre génie est dans notre sang. C'est pour cette raison que l'immigration, le métissage est un drame. C'est parce qu'en fait, l'Occident ne peut pas se maintenir à ce niveau de perfection, de beauté et de progrès technologique si le sang blanc disparaît, ou ce qu'on appelle en fait la disparition, c'est simplement devenir en minorité sur son propre territoire. C'est un processus. Et encore une fois, Renaud Camus l'a bien expliqué. C'est pas que demain, il n'y a plus de blancs. C'est que quand tu te retrouves avec 30 millions de blancs et 50 millions de non-blancs, bah, ça peut être la guerre, les blancs peuvent la perdre, et c'est un drame pour l'Occident. Mais donc, en fait, c'est, encore une fois, les gens se trompent quand ils pensent que le logiciel anthropologique ne suffit pas. En fait, il faut se voir comme européen. Si tu te vois comme européen et que tu te dis, bah voilà, je veux, un de mes premiers buts, c'est que, alors, ce mec rêve de grandeur. On pourrait dire, par exemple, un des buts, ce serait que l'Europe sauve ses frontières, redevienne on va dire, reste majoritaire blanc-blanche et le devienne encore plus que cela, et rivalise avec les États-Unis ou la Chine. Ça peut être un objectif. C'est-à-dire, c'est, la grandeur suffit. Hein. On n'est pas obligé de croire en quelque chose, on n'est pas obligé de croire au bon Dieu ou à Allah pour être motivé par quelque chose. Moi, ça me suffit. Quand j'écris un bouquin, l'idée que le bouquin soit le meilleur possible suffit à sa réalisation, à me donner la motivation de le faire. Eh bien, c'est la même chose pour l'Empire blanc. C'est-à-dire, l'Empire blanc, c'est, le concept, c'est Empire blanc. Ça suffit en fait à me motiver, à me mouvoir, tu comprends? Il se pose des questions là, le drapeau, mais qu'est-ce qu'on en a à faire du drapeau? Que ce sera, je veux dire, c'est pas à moi de penser ça, je suis pas propagandiste, je suis pas Goebbels, je suis pas un idéologue, tu vois. Je dis juste que le logiciel souverainiste, en particulier français, est dépassé. Pourquoi en plus? Pour répondre très rapidement, parce que le danger du souverainisme français, c'est que son hostilité est tournée vers d'autres pays d'Europe, et pas vers les civilisations extra-européennes. C'est le cas Philippot. C'est-à-dire, ah bon, bah t'as lu, il pose la question. Mais Philippot, non, mais c'est Philippot mange du couscous, mais il s'inquiète du fait que les Allemands préparent la Troisième Guerre mondiale. Encore une fois, ces gens sont des malades mentaux. Ces gens sont des fous. Et dans le milieu, on a Pierre-Yves Rougeron. Il y a exactement ce saline-là. Bon, je l'ai invité dans Vive l'Europe, il n'a pas voulu venir. Mais parce que, courtoisement, parce qu'évidemment, quand je suis dans la position de l'animateur, je laisse les gens quand même s'exprimer. Je lui aurais dit, mais comment pouvez-vous vous inquiéter de l'Allemagne? C'est ridicule. L'urgence, c'est d'essayer de parvenir au pouvoir en France et en Allemagne avec les identitaires et les nationalistes et de créer une politique de fermeture de frontières et de protection des frontières. C'est pas de se dire, est-ce que les Allemands vont... Alors, ben non, évidemment, c'est pas une invasion militaire, c'est une invasion économique. Mais, encore une fois, c'est tourner les projecteurs vers un... C'est tout le drame du milieu dissident, c'est ça. C'est, t'as un projo... Et tu, au lieu d'éclairer en fait un temple ou un truc magnifique, tu vas éclairer un morceau de saucisse, tu vois quoi. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est comme, encore une fois, cette expression occident décadent, je peux plus l'entendre, je peux plus la voir. Oui, parce que toi, tu te bats contre ce que tu appelles l'anti-occidentalisme. Ça fait longtemps que tu en parles. Mais c'est du masochisme, encore une fois. C'est, regarde, tous les jours de l'année sont normaux, et puis il y a la Gay Pride. et tout le milieu dissident va nous casser les couilles avec la Gay Pride, comme si tu avais 60 millions de Français qui défilaient avec une plume dans le cul. Mais la Gay Pride, c'est une minorité des Français. Tu veux dire, il faut arrêter de s'identifier. Alain, pour le coup, prenez exemple sur les musulmans qui disent toujours pas d'amalgame. Quand tu as un blanc qui fait n'importe quoi, qui fait de l'art contemporain, qui se met un œuf dans le cul pour après peindre un truc par son anus, je veux dire, c'est pas la décadence occidentale. C'est un pauvre con qui fait ça et qui se croit intelligent. La différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, tout est médiatisé. N'importe quel connard peut se filmer avec un smartphone. Donc, on a ce sentiment qu'il y a plus de dingues et de décadents qu'avant. Mais pas du tout. Moi, je veux dire, je les connais très bien. Les Français, c'est des braves gens. La plupart des gens, mais même, je veux dire, même dans les milieux gauchistes, à de rares exceptions près, comme les milieux féministes militants, les antifas, etc. Mais encore une fois, c'est une minorité de la population blanche. Il n'y a pas 20 millions d'antifas en France, attention. La majorité des blancs, y compris de sensibilité de gauche, et des gens qui ne voteront jamais Front National, ont un désir de vie simple. Ils veulent des petites vacances, ils veulent un petit boulot. Ils veulent un mari ou une femme, des gosses, un clébard. Donc, j'ai lu un sondage aujourd'hui, alors ça va te rassurer. Un électeur sur deux de Mélenchon est contre l'immigration. Oui, bah bien sûr, parce que les gens, il y a quand même un instinct de survie qui est un peu lent chez nous. On est un peu long à la gâchette, mais ça existe quand même. Mais j'insiste vraiment sur le fait que... Il y a tout un pan de la dissidence qui va me dire que je me trompe, etc. Mais moi, je vous dis, les gars, vous foncez en face d'un mur. Vous voyez un problème, vous créez un problème qui n'existait pas. Il n'y a pas de décadence au sens où vous l'entendez, tu vois. C'est pas, on fonce pas vers l'enfer. On se comporte comme on doit se comporter par rapport à notre degré d'avancement technologique. J'avais lu un article d'ailleurs, c'était sur Sauve Vélos, où il y avait un coup de gueule d'une fille qui vous regarde, qui a tapé un coup de gueule parce que au moment du Nutella, des affaires Nutella. Parce qu'elle disait, oui, mais parce que justement, on a beaucoup parlé de cette décadence occidentale, le consumérisme fou et le. Etc. Excellent exemple, là pour le coup, tu me sers la soupe, les gens vont dire qu'on est complices. Mais c'est le meilleur exemple que tu pouvais trouver. Parce que une certaine frange de la dissidence s'est ruée là-dessus pour dire, regardez, c'est la consommation. C'est les mêmes connards qui te disent qu'on s'américanise. Ça n'a aucune importance. Les Américains sont des blancs ethniques. Et s'ils n'avaient pas fait le hamburger, nous l'aurions fait nous. D'ailleurs, le hamburger, ça vient d'Allemagne. C'est des conneries. Ils mettent sur le même niveau, en fait, le fait qu'il y a 150 000 mosquées qui poussent par an avec le fait qu'on porte des Nike. On s'en fout. On porte des Nike parce qu'en termes d'industrie, ils sont plus forts, etc. En plus de ça, quelle hypocrisie. Tous les gens que je connais autour de moi, mais tous, qu'ils soient dissidents, noirs, jaunes, beiges, gauche, de droite, tout le monde, on regarde tous des films américains et tous des séries américaines parce qu'ils sont bien faits, c'est tout quoi. Donc, encore une fois, c'est du bullshit. Tout ce discours de bullshit, il y en a marre. Mais l'exemple que tu as cité est très bon. C'est-à-dire qu'on a vu, bon, pour rappeler aux gens brièvement, il y avait une promo sur le Nutella. On a vu, les gens se ruaient, des bastons, des machins, etc. Alors, bon, évidemment, c'est tous ces gens-là, qu'ils soient blancs ou pas blancs, étaient des gens de peu d'intelligence, hein, parce qu'il faut être fou pour se jeter sur un Nutella. C'est même pas une question de pauvreté, parce qu'on crève plus la faim en France. C'est juste l'idée de payer ton Nutella 1 euro et pas 3. Mais effectivement, dans cet article, on a montré que majoritairement, les gens qui se trouvaient là n'étaient pas des blancs. Donc en fait, stop à l'autoflagellation, tu vois. Et autre chose aussi, dans la même veine, et ça participe encore une fois de l'ethnomasochisme de droite, que je combats et que Yann Mercado et moi, nous combattons, et tous les membres de ce Vélos. Lorsqu'une femme blanche, c'est souvent des femmes blanches, se fait violer dans le métro, qu'est-ce que va sortir? Le premier mot que va sortir Jean Dissident. Ouais, mais c'est la décadence occidentale, on se bat plus pour nos femmes, etc. Et nous disons, très bien, je veux voir la vidéo et je veux voir dans ce wagon, à Paris, à cette heure-ci, combien il y avait d'autres blancs dans le wagon. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'intervention? Peut-être parce que la personne qui l'a violée était un arabe et les spectateurs étaient aussi des arabes. Tu vois, parce qu'il faut imaginer le degré de remplacement ethnique du pays. Les gens qui restent toujours dans leur quartier n'en ont pas conscience, ou ils finissent par s'habituer. Par exemple, à Nice, quand il y a eu l'attentat, une des bases du complotisme a été de dire « mais ça ne peut pas être l'islam, parce que le mec en bagnole, il a roulé sur des musulmans ». Ouais, mais excuse-moi, quand tu fais un attentat au camion pour éviter les musulmans en France, c'est compliqué. Hein. Faut faire un truc à la campagne, hein, et encore, tu n'es pas sûr de pas attendre, tu vois. C'est qu'en fait, tout ça exemplifie et met en lumière le grand remplacement. Voilà, le grand remplacement, c'est le mot gentil. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il ait trouvé ce concept-là pour dire remplacement ethnique. Oui. Disparition progressive des blancs à la faveur des non-blancs. D'ailleurs, c'est paternité de Renaud Camus, ça aussi, le grand remplacement. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est, pour moi, Renaud Camus, je vais te dire ce que j'aime, en deux mots, ce que j'aime chez lui, c'est que il est à la fois fin et raffiné, et en même temps, il a une ligne simple. C'est ça que j'aime chez lui. C'est pour ça que je le cite beaucoup. Les gens ont besoin de modèles. Moi, je suis encore trop jeune, et en plus, j'ai écrit un bouquin de fiction. Je n'ai pas écrit un essai. Je me considère encore trop jeune pour écrire un essai. Mais Renaud Camus a la ligne la plus simple du monde. Ouais. Il dit voilà, c'est simple. Il y a les pour et les contre le grand remplacement. Il a une citation qui est assez formidable. Renaud Camus, j'aime beaucoup. Il dit l'égalité entre les parents et les enfants a tué la tradition. Ouais. L'égalité entre les profs et les élèves a tué l'école. L'égalité entre tous les citoyens a tué la nation. Et l'égalité entre l'islam et la chrétienté tuera la France. Bah ouais, non mais. De toute façon, moi j'encourage les gens à ajouter sur Twitter Renaud Camus, c'est un régal, il est très fin, ses tweets sont des petits chefs-d'œuvre. Et je veux dire, c'est pas que de la branlette, c'est que ça a toujours un sens. Par exemple, contrairement à moi, il n'encourage pas forcément les Blancs à faire plus d'enfants, parce qu'il est très concerné par la surpopulation. Moi je dis à Renaud Camus, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire la surpopulation est un problème, et on a besoin d'espace, les hommes intelligents ont besoin d'espace. Tu vois, et Renaud Camus est torturé par l'idée que les espaces naturels finissent par disparaître, que finalement, pourquoi ? Parce qu'il réfléchit en tant qu'intellectuel. Il se dit, mais est-ce que dans 200 ans, un mec pourra se poser tranquillement en silence pour écrire un livre ? La question se pose vraiment. Je veux dire, Renaud Camus, vous avez parfaitement raison. Mais le problème, c'est qu'il y a une phase transitoire où il faut lutter contre l'ennemi. Et si en fait, on n'a pas des troupes assez conséquentes, on n'arrivera pas à le faire. D'accord ? Même ne serait-ce qu'en termes de poids électoral. Pour peser dans la balance, on ne pourra jamais rivaliser avec les Africains en termes d'enfants. Mais pour peser dans la balance, pour peser dans la balance électorale et communautaire face aux Blancs de gauche, il faut que les Blancs de droite fassent beaucoup d'enfants. C'est un devoir, c'est un devoir militant. Tu sais, des fois, il y a des mecs à Sevelos qui me disent « c'est super Sevelos, on se rencontre, et tout, il y a une bonne ambiance, voilà, c'est prolo, classe moyenne, etc. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut coller des stickers, etc. ?» Pourquoi pas, oui, on pourra faire ça pour faire entendre, pour que les gens apprennent à connaître Favelos. Mais moi, je dis, votre premier devoir militant, passer 25-30 ans, c'est trouver une compagne, fonder un foyer et veiller à la survie du semblant, en fait, quoi. Sinon, c'est l'hérédité, c'est le patriarcat, tu vois. Quand je te dis que je ne me revendique plus comme catholique, c'est une question d'honnêteté par rapport à mon public, par rapport à mes croyances profondes. Mais je ne te dis pas que le patriarcat est à mettre à la poubelle. On peut être patriarcaliste sans être croyant. D'accord ? En fait, c'est la tradition avec un grand T. L'idée que le but premier de la vie, c'est de la reproduire. C'est ça la beauté de la vie, de faire un enfant qui te ressemble, de l'éduquer dans des valeurs, que toute la sensibilité, que tout l'amour que tu as en toi, tu le transmettes à cet enfant. Et ça, ça n'est absolument pas bouleversé par la déchristianisation, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un ami qui me dit souvent, est-ce que finalement, c'est pas foutu déjà ? Qu'est-ce qui serait foutu ? Bah, il n'y a déjà plus assez de blancs. Ah, en France ? Ouais. Alors, effectivement, moi, je pense que si on voit le problème à une échelle européenne et occidentale générale, le problème de la France, c'est que ce n'est pas un pays très, très grand, ce n'est pas les États-Unis. Effectivement, les Français sont très enfoncés dans l'antiracisme et le remplacement était très rapide en France. Donc, il est possible que certains pays d'Europe tombent. Mais, je veux dire, tu peux perdre un pays et tu peux le récupérer plus tard. Encore une fois, je voudrais être réaliste sans rendre les gens dépressifs. Mais pas dans une logique de méthode Coué, parce que je le pense vraiment. Moi, je suis optimiste à long terme. Les Blancs se débrouillent, t'inquiète pas, tu sais, ils s'expatrient. Ils se protègent en grimpant l'échelle sociale, ils créent des maisons, c'est ça le survivalisme. En fait, c'est qu'en gros, tu achètes des flingues, tu te mets dans une maison loin de l'immigration et tu attends que ça vienne, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas aussi désespéré que cette personne. Je dis qu'on perdra des batailles, mais je ne pense pas qu'on perdra la guerre parce qu'encore une fois, quand nous parlons de grand remplacement et de génocide, c'est toujours en rapport à. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de blancs sur Terre, parce que en fait sur Terre il y a 700 millions de blancs, donc moi j'ai pas peur comme ça de la disparition du sang blanc comme ça, mais je dis juste que politiquement il y aura des défaites. L'islam va triompher en Europe de l'Ouest, probablement dans certains pays comme l'Angleterre, comme la France, mais il y aura un repli stratégique, il y aura une guérilla comme l'a montré Oberton, c'est-à-dire des gens qui veulent rester sur le territoire français et qui vont se battre jusqu'au bout, et donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre à la question. S'il me dit un degré politique, je te dirais non, il n'y a pas d'espoir. Surtout qu'en plus, Marine Le Pen s'est fait humilier lors de son débat et elle n'a pas eu la dignité de partir. Donc en fait, il est très probable qu'on se remange Marine Le Pen en 2022. ses possibilités électorales sont quasi nulles. Oui. Donc là-dessus, c'est mort. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un Macron d'extrême droite qui naisse, comme ça, de je ne sais pas où. Encore faudrait-il que la vieille extrême droite le laisse pousser aussi, hein, parce que c'est un gros problème aussi, on ne crée pas de cadre. Mais à un niveau de civilisation, je suis modérément inquiet. Je suis inquiet quand même, hein, mais je veux dire, à l'échelle du monde blanc tout entier, je ne suis pas inquiet. Y a quand même, on est en Australie, on est en Russie, on est au Canada, on est en Amérique du Sud. Beaucoup d'Allemands en Amérique du Sud, d'ailleurs, depuis une certaine période. Oui, mais bien sûr. Voilà, quoi. J'en connais, moi, des Allemands d'Amérique du Sud. Voilà, je crois que j'en ai un qui va venir tout à l'heure en plus, dans pas longtemps. Alors, attends. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que je parle beaucoup, mais je te la fais très courte. Pour te montrer à quel point, je prêche pour ma paroisse, qui est le racisme blanc, le nationalisme blanc, c'est du racialisme, si tu veux. Mais pour te montrer à quel point il y a un instinct quand même de ne pas combattre les tiens en général. Récemment, c'est Yann Mercado qui m'a fait découvrir un bouquin, dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais je vais vraiment le retrouver en commentaire. Savais-tu, par exemple, moi je l'ignorais, que lorsqu'il y a eu la guerre 39-45, il y a eu une réflexion de l'état-major américain qui s'est dit, on va avoir un problème. Parce que maintenant, comme les Japs nous ont attaqués, on est en guerre contre l'Allemagne. Le problème, c'est que la moitié des Américains sont des Allemands ethniques. Comment on va faire? On va pas les envoyer contre des Allemands. Gunther, il va se retrouver contre Gunther. Je veux dire, à un moment donné, ils vont pas se tuer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu ce machiavélisme, mais stratégique, d'envoyer plutôt les Allemands ethniques sur le front japonais et d'envoyer les Américains qui étaient bruns et les Noirs sur le front européen. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y avait pas du tout de blancs américains au moment du débarquement. Mais si tu veux, le simple fait, encore une fois, ça montre que, à mon avis, hein, que nous, nous autres, les racialistes, nous avons raison. C'est que les troupes américaines sont allées vers la France pour libérer la France avec des Noirs, des Asiatiques, Américains, des Blancs, etc. Et là, tout à coup, la guerre contre les Allemands était possible. Pourquoi? Parce que lorsque tu es une société métissée, après, tu ne te reconnais plus sur le socle racial, tu comprends? Parce que l'amitié, finalement, c'est un sentiment très fort. C'est-à-dire que, par exemple, si toi et moi, on se voyait régulièrement, on est déjà sur la pente de devenir amis, peut-être qu'un jour, il y aura une circonstance de vie où tu vas être avec moi, à mes côtés, et il va falloir que je choisisse parce que, je ne sais pas, un blanc va t'agresser et je vais prendre ta défense, tu comprends? Parce que, effectivement, c'est compliqué. C'est pour ça que le métissage est un drame et la cohabitation est un drame parce que ça crée une décohésion ethnique et nationale. Et après, en fait, tu ne reconnais plus ton frère racial. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés et tu avais John Williams et Jack Bauer, je dis n'importe quoi, le mec de 24 chrono. Ils n'étaient pas de la même race, mais ils se sont sentis unis contre les Allemands parce que, voilà, à la première rafale de mitraillettes, ils se sont dit, on est dans le même camp. Et eux, c'est les méchants, tu vois. C'est la bêtise de la guerre, c'est comme ça. Mais c'est pour dire que les élites, le sel de cette anecdote, c'est de dire que les élites étaient conscientes de cela. Ils se sont dit, mais en fait, on ne va pas y arriver. Parce que des mecs qui ont la même gueule, ils ne vont pas se foutre. Ils vont pas se foutre. Oui, ils avaient réfléchi à ça. Et c'est ça que tu veux nous dire. Bien sûr. Mais tu avais raison. Mais attends. Bon. Il est super tard, en fait. Oui, attends, je vais aller chercher mon pote. D'accord. J'arrive. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chercher et on va voir ce qui va se passer. D'accord. D'accord. Salut. Ça marche pas? D'accord. C'est pas ce qui se passe. Oui, d'accord, c'était le moment de... Il faut que je chante moi aussi ou pas? Hello Daniel Conversano. Aïe. Enchanté. Enchanté mon ami. Je suis revenu exprès. Ça fait des années. Attends, faut la musique, attends. DJ, non, pas encore. Aïe. Ah, mon ami Daniel Conversano, Daniel, bonjour. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, hein? Spécialement, je suis revenu en Amérique du Sud, parce qu'on m'a dit, tu as fait écrire des livres, comme mon ami Adolphe, il a commencé comme ça à écrire des livres, Daniel. Attention, Daniel, je suis venu te dire, négocie Daniel, négocie Daniel, regarde-moi, J'ai fait 40 ans en Amérique du Sud, Daniel. À manger tacos. Tu veux pas faire comme ça, toi aussi, Daniel? Daniel. Arson. J'ai connu en plus toi. J'ai connu Benito, Daniel. Il a mal fini. Je lui ai fait dire, venir avec moi, Daniel. C'est vrai. Il a pas voulu. Alors, toi, négocie, Daniel, négocie. Il faut finir. Il faut avoir ta peau, Daniel. Négocie, je t'ai dit, Daniel. C'est obligatoire. Tu n'as pas le choix. C'est que regarde-moi. Je suis le seul nazi noir, 40 ans en Amérique du Sud. Et t'as survécu. J'ai pu revenir, oui, j'ai pu revenir, mais c'était difficile, Daniel. Moi, je t'ai dit qu'une chose, Daniel, négocie, Daniel, fais-moi plaisir, négocie, négocie pour rester en vie, Daniel. On a besoin de toi. Moi, je crois en toi, hein. Comme Adolphe, j'ai dit, ah, il a écrit un bouquin, c'est bien. Mais tu es inquiet pour moi après l'écriture de ce livre. Un petit peu, Daniel. Un petit peu. Arceau. Arceau, il y a beaucoup de bonnes recrues en France. Hein. Mmh. Toi, tu es bon. De l'esquin, pas mal. Boris, il est chez les Japonais. J'aime bien aussi. Pas mal. Hein. Enfin, bon recrue. Tout ça. Mais Daniel, négocie, négocie, Daniel. Tu n'as pas le choix. Sure. S'il te plaît. Tu me feras plaisir. D'accord. En tout cas, voilà. Je retiens le conseil. Retiens le conseil. Maestro, mets la musique. Musique, please. Harrington. Enfin, écoutez, je vais chanter une chanson spécialement pour toi. Autodidacte, j'aime quand le peuple veut diriger, mais les élites veulent nous bluffer, elles nous divisent, je donnerai mon âme sans répit. C'est ce qu'ils Résistant, mais pas un facho, comme ils disent. Trop entouré de collaborateurs. Je ne dirai jamais adieu, je suis trop rude. moi mais ne mords pas. Devenu bête noire des antifas, leur auditoire. Pourquoi ils prennent ça comme un jeu? Alors moi je ravive le feu de notre histoire. Le blanc rouge, je roule à jamais. Douceur de vivre à ce qu'il paraît. Notre héritage. À mes ancêtres, j'ai fait serment de protéger même de mon sang cet idéal. Je ne peux pas me défiler si la patrie est en danger. C'est la justice. Moi je suis juste un Français qui résiste pour que la France vive, mais pas un facho comme ils disent. Que vive la France! Merci Daniel, merci pour cette émission. Eh ben tu vois, voilà. Voilà, on finit en chanson, on finit en bonne humeur, parce que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Ben voilà, ah ouais, c'est les petites si surprises. J'ai jeté un froid, peut-être. Voilà, non, d'accord. Comme ça, on finit, tu sais, parce qu'on dit qu'en France, on finit toujours en chanson. C'est vrai. Donc c'est je respecte vrai. La tradition, bien sûr, bien sûr. Et on finit non, en chanson. Écoute, franchement, Topa, je remercie énormément ton ouverture d'esprit. Le premier livre que j'ai écrit est un bouquin très radical. Tu aurais très bien pu être vexé par plein de points du livre. Et au contraire, ce sera peut-être un des seuls à m'inviter. Et je crois qu'en fait, ce qu'il faut mettre en avant, c'est les esprits libres. Tu vois, et toi, tu es un esprit libre. Et ça, c'est vraiment infiniment respectable. Il est vrai que tu as fait beaucoup plus pour la patrie et pour la France que beaucoup de personnes anonymes sur Internet. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Bah, merci. Et donc voilà, merci encore. Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Esprit libre, c'est normal. Tu vois, j'ai du sang français au moins, n'oublie pas, Daniel. Bien sûr, mais je n'oublie pas. Mais je pense que. Bon, voilà. Après, c'est une autre émission. Ah, là, là. En tout cas, merci ça à vous. Ça peut expliquer certaines choses. Ah, bah peut-être. Ah, alors, voilà. peut-être. Ouais. Il y en a qui vont me dire ça y est, il a encore sucé les blancs. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous. On se rejoint. Merci à la régie. Merci à tous ceux qui nous écoutent. On se rejoint la prochaine. Et de toute façon, franchement, si vous écoutez un petit peu ce message-là maintenant, c'est que vous êtes la un peu la résistance. Forcément. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut les amis.